Dieu est vraiment bon chaque fois. Our daddy is so good. Unser Vater ist so gut. Our Jesus Christ is so good. Unser Jesus ist so gut. Notre Jésus Christ est aussi bon. He said his father sent him. Er sagt, sein Vater hat ihn gesandt. Il a dit que son père l'a envoyé. And he said he sent us. Und er sagt, er hat uns geschickt. Et lui, il a dit qu'il nous a envoyé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We have been dealing on the radicals. Wir haben über die Radikalen gesprochen. On parle d'être radical. C'est notre thème. Amen. Amen. The radicals for Christ. Die Radikalen für Christus. Être radical pour Jésus-Christ. Amen. And not the radicals for religion. Nicht die Radikalen der Religion. Et pas les radicaux de la religion. Those that believe Christ. Die an Christus glauben. Ceux qui croient en Jésus-Christ. Those that believe that He is their Lord and their Savior. Die glauben, dass er ihr not just, Herr not und Retter one, ist. But the two. Ceux qui croient que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. Praise the Lord. Pas seulement un, les deux. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Those that are hungry of the truth. Die hungrig sind nach der Wahrheit. Ceux qui ont faim de la vérité. They are hungry of Jesus Christ. Hungrig nach Jesus Christus. Ceux qui ont faim de Jésus Christ. Are not hungry of healing. Nicht hungrig nach Heilung. Pas ceux qui ont faim de la guérison. Some are hungry of healing. Einige sind hungrig nach Heilung. Parce que quelques personnes ont seulement faim de la guérison. They are hungry of money. Hungrig nach Geld. Ils ont faim de l'argent. They are hungry of faith. Nach Erfolg. Ils ont faim de succès. They are hungry of properties. Besitz. Pour avoir des choses, ils They ont are hungry of having a wife, having a husband. Yeah. Finding me. Ils ont faim d'avoir une relation. They are hungry of not to die. Hungrig nach langem Leben. Ils ont faim de vivre pour toujours longtemps. Good job. Nach einer guten Arbeit. Avoir un travail qui est bon. Praise the Lord. Alleluia. Jesus wants us to be hungry. Jesus will, dass wir hungrig sind. Jésus-Christ veut qu'on puisse avoir faim. But be hungry of him. Aber hungrig nach ihm. Mais on doit avoir faim de lui. That's why he says, seek first the kingdom of heaven. Deswegen sagt er, sucht erst nach dem Königreich des Himmels, nach dem Königreich Gottes. C'est pour cela il a dit, il faut d'abord commencer à chercher le royaume des cieux. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. Et sa justice. His righteousness is believing him. Seine Gerechtigkeit bedeutet, ihm zu glauben. La justice de Jésus-Christ, ça signifie croire en Jésus-Christ. Christus zu glauben. Righteousness is not feeding the poor. Gerechtigkeit ist nicht die Armen füttern. Quand tu veux être juste en Jésus-Christ, ça signifie pas que tu dois adopter les enfants ou donner aux pauvres de l'argent et à manger. Amen. Respecting people. Ou les Menschen respektieren. Ou respecter les gens. The Bible says God is no respecter of person. Bibel sagt, Gott respektiert niemanden. La Bible dit que Jésus-Christ ne respecte pas les gens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Those that are hungry of Jesus Christ. Die hungrig sind nach Jesus Christus. Ceux qui ont faim de Jésus-Christ. You are hungry to know your Father. Hungrig darauf, ihn zu kennen. Tu dois avoir faim de connaître ton Père. His kingdom is based on relationship. Sein Königreich basiert auf Beziehung. Parce que son royaume est basé de la relation. To know him. Ihn zu kennen. D'avoir une relation avec lui, de le connaître. If you know him, you will know that you are already him. Wenn du ihn kennst, wirst du wissen, dass du schon geheilt bist. Amen. Si tu le connais, tu vas comprendre que tu es déjà guéri. If you know him, you will know that you are already blessed. Wenn du wissen, dass du schon gesegnet bist. Parce que si tu le connais, tu vas comprendre que tu es déjà béni. Praise the Lord. To know Jesus. Amen. Connaître Jésus-Christ. To look at the relationship in the natural world. Wenn du dir eine Beziehung in der natürlichen Welt anschaust, si tu regardes les relations dans le monde naturel, you know, you cannot have a father and not know your father. Du kannst keinen Vater haben in the natural world. Und ihn nicht kennen. You have to know your father. Du musst deinen Vater kennen. Dans le monde naturel, tu peux pas avoir un père et ne pas lui connaître. Donc tu dois lui connaître. You don't have a father so that he can feed you, he can give you things. It's a relationship. Même dans le monde naturel, c'est une relation avec le Père. So also is Christ Jesus. Genauso ist auch Christus Jesus. Es ist eine Beziehung. Et c'est comme ça aussi avec Jésus-Christ, c'est une relation. You know, in the natural world, you know, you are not there You and your father, your relationship is not based on he can feed me, he can give me clothes, he can give me money, he can do this, he can do this, you know, it can do, you know, it's not based on that. Mm-hmm. It's based on he is my father. Mm-hmm. I want to know him and he is to know me. In der natürlichen Welt hat man nicht Beziehung mit seinem Vater, weil das der Mensch ist, der einem Geld gibt, der einem ein Dach über den Kopf gibt oder der einem gebärt hat, sondern man hat einfach Beziehung zu dieser Person, weil man diese Person liebt und sie kennen möchte. Même dans le monde naturel, quand tu as une relation avec ton père, c'est pas basé sur je veux avoir ça, je veux parce qu'il il me donne de l'argent, parce qu'il m'a mis au monde, mais il s'agit d'avoir une relation avec ton père. Tu lui connais, il te connaît, il t'aime, tu l'aimes, et c'est à travers ça, tu vois, il te donne aussi de l'argent, et il se soucie de toi, c'est parce que vous avez une relation. If your children have such relationship with you, that is, except they are in need of something, they don't come to you. Will you love it? Wenn deine Kinder eine Beziehung mit dir hätten, dass nur wenn sie etwas von dir wollen, nur wenn sie etwas von dir brauchen, dann kommen sie an, würde dir das gefallen? Est-ce que si tes enfants étaient des personnes qui veulent, qui viennent chez toi étant leur père, seulement ou bien leur mère, seulement parce que ils ont besoin de l'argent ou de quelque chose comme ça, donc s'ils ont rien, s'ils ont de l'argent, ils viennent pas chez toi. Donc s'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent chez toi. Est-ce que ça va te plaire? It is unfortunate that that is the relationship people have with God. Aber viele Leute haben so eine Beziehung mit Christus. Erst wenn sie ein Problem haben, wenn sie irgendwas brauchen, dann tauchen sie bei Jesus auf und bitten ihn und fragen ihn und suchen seine Nähe. Mais malheureusement, c'est ça vraiment le type de relation que les enfants de Dieu ont maintenant avec leur père. Ils viennent seulement chez leur père dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils sont malades ou bien dès qu'ils ont envie d'avoir de l'argent. C'est cette relation qu'ils ont avec leur père. That's why when I see people, I always ask, why are you here? Because I know that you are pursuing something or something is pursuing you. Deswegen, wenn ich Leute hier sehe, frage ich sie immer, was machst du hier? Weil oft entweder suchen sie nach etwas oder sie werden von irgendwas gesucht. C'est pour cela quelquefois, quand je vois les gens ici, je me demande, qu'est-ce que vous faites ici? Parce que la plupart des personnes viennent ici parce qu'ils sont en train de chercher quelque chose ou bien quelque chose est en train de leur suivre. Allow your motive of coming to him to be him alone. Dass du zu ihm kommst, weil du ihn kennen willst. Tu dois vraiment laisser. Dass du hungrig bist nach dem wahrhaftigen Gott. Ton motif de venir ici, de venir vers Dieu, ça doit vraiment être que tu veux connaître ton père. Tu veux avoir une relation paternelle avec ton père. Donc tu veux lui connaître en fait. In Christ's kingdom, you don't have things. You don't pursue things by pursuing them. Im Königreich von Jesus Christus haben wir nicht Dinge, indem wir diese Dinge suchen. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas des histoires parce qu'on est en train de chercher ces histoires-là. You know, he says, seek first the kingdom of heaven, his kingdom of God, and his righteousness, and all others, there will be Jara. I don't know if you are Nigerian, you know what Jara is. People fight for Jara, they never fight for the real food. There's a difference between You know, in Nigeria, when after buying rice, the people will be saying, put jara, put jara now. The jara, they just put a little. You know, that little and the refill, which of the two is going to, that is going to satisfy you. But, you know, we never seek for the refill, which is seek Christ. All others, they are to seek you. Wir sollen erstmal nach dem Königreich Gottes suchen und dann wird uns alles andere hinzugegeben. Dieser Bonus, dieses Extra, aber ist dann dieses ist das, was die Welt sieht. Ist das, was die Welt vielleicht als Erfolg oder als Gesundheit oder als alles andere sieht. Aber leider sind wir immer hinter diesem Extra, hinter diesem Bonus her, aber nicht hinter der wahrhaftigen Speise, die nämlich Jesus Christus ist. Praise the Lord. Amen. Oui, dans le royaume des cieux, par exemple, dans ce monde, même au Nigeria, ils disent toujours, donne-moi quelque chose encore de gratuit. Donc, quand tu pars acheter quelque chose, ils te disent, te demandent, rajoute un peu quelque chose de gratuit en fait. Et c'est ça que ce monde ici, eux, ils veulent avoir les choses gratuites sans avoir la chose principale en soi. Donc, ils sont en train de poursuivre le truc gratuit qu'ils peuvent avoir, donc avoir les choses, la guérison, sans avoir vouloir avoir Jésus-Christ comme la chose principale. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Deuteronomy, he said the wealth of this world will pursue you and overtake you. In did not say you will pursue them. Steht, dass der Reichtum dieser Welt uns hinterherjagen wird. Aber Leute sind hinter diesem Reichtum her. Dans Deutéronome, il est écrit que les choses vont nous poursuivre, les enfants de Dieu. Mais ces jours ici, ce sont les gens qui sont en train de poursuivre les choses. Donc, ils font le contraire. You know, people go from church to church because of one thing or the reason. They, you know, because of healing. Who told you you are sick? Leute gehen who told you? Like God asked Adam, who told you? You remember? Yeah, he said. Who told you that you are naked? Who told you that you are sick? Und Leute gehen please from you are listening to another voice. Zu Gemeinde, um Heilung zu suchen. Aber wer hat dir gesagt, dass du krank bist? Ist genauso wie als Gott Adam gefragt hat, wer hat dir gesagt, dass ihr nackt seid? Wer hat dir diese Lüge aufgetischt oder auf wessen Stimme hörst du gerade, die nicht meine ist? Les gens sont en train de partir dans des églises à églises pour satisfaire leurs besoins parce qu'ils disent ils ont des problèmes, ils ont un problème, c'est pour cela qu'ils sont en train de chercher, ils n'ont pas de la paix en fait, ils sont en train de chercher des églises. Et c'est comme aussi quand Dieu a dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Et c'est ça que Dieu va te dire aujourd'hui aussi. Qui t'a dit que tu as un problème? Qui t'a dit que tu es malade? C'est parce que tu es en train d'écouter une voix qui ne vient pas de lui. Parce que lui t'a déjà dit que tu es guéri. Mais toi, tu penses que tu es malade. Now to know the difference between the voice of Jesus Christ and the voice of Satan. Wir müssen den Unterschied kennen zwischen der Stimme von Christus und der Stimme des Teufels. On doit comprendre et connaître la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Praise the Lord. Satan knock. You know, Jesus knock. In Revelation, he says he stand at the gate knocking. So also Satan is also there knocking. Wir müssen die Stimme vom Teufel. You have to open for one of the two. Und von Gott unterscheiden können, weil beide klopfen an deiner Tür und du musst entscheiden, wem du die Tür aufmachst. La Bible dit que Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur et c'est comme ça aussi le diable est en train de faire et c'est toi à choisir, à te décider à qui tu vas ouvrir la porte. Praise the Lord. Amen. As the Lord directs us today, we are not going to continue with the message of where we stop on Wednesday. Amen. He gave me he spoke a lot about some few things that he wants us to learn today. Amen. But they are still based on the radicals. Amen. Mm-hmm. But it's a little bit different from where we have been studying. And I don't know if you are able to finish here, then we go straight to where we stop on Wednesday. Amen. Amen. Aber wenn jetzt zu einem anderen Thema ausschweifen, was aber trotzdem auch noch zu dem eigentlichen Thema gehört, womit wir am Mittwoch schon angefangen hatten. Aber vielleicht werden wir auch nochmal zurück zu dem Thema von Mittwoch greifen, wenn wir es zeitlich noch schaffen, dieses Thema zu beenden, was jetzt neu ist. On va pas directement continuer avec notre message de mercredi, mais on va toujours rester sur la catégorie d'être radical en Jésus-Christ. Et quand on aura du temps, on va voir comment le Saint-Esprit va nous diriger. Praise the Lord. Amen. Please go to Galatians 5. Galates 5. On va lire Galates 5. Galatians 5. Verse 25. Galates 5, verset 25. If you don't love this place, I don't know where you love in the Bible. I love it so much. Galatians 5. Amen. Verse 25. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are we there, please? He said, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galates 5, puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. We live in the spirit. Wir leben im Geist. On vit dans l'esprit. Wir sollen im Geist wandeln. Not in the flesh. Nicht im Fleisch. On vit dans l'esprit. C'est pour cela on doit aussi se conduire selon l'esprit et pas selon la chair. Christ's world is a spiritual world. Die Welt von Christus ist eine geistliche Welt. La vie de Jésus-Christ c'est une vie spirituelle. And that is why the natural man cannot understand it. Deswegen kann der natürliche Mensch das nicht verstehen. C'est pour cela l'homme naturel ne peut pas le comprendre. Amen. Amen. The natural man cannot get it. Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen. L'homme naturel ne peut pas le comprendre. They cannot know the things of the spirit. Sie können die Dinge des Geistes nicht erkennen. L'homme naturel ne peut pas comprendre et reconnaître les choses de l'esprit. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln. Und nicht im Fleisch. Puisqu'on vit dans le de l'esprit, on doit se conduire selon l'esprit et pas selon la chair. You know, God did not create man to live in the flesh, but in the spirit. Gott hat den Menschen nicht dazu erschaffen, im Fleisch zu leben, sondern im Geist. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre selon la chair, mais selon l'esprit. When Adam's eyes were opened after eating that fruit, his eyes were opened to the flesh. Als Adam von dieser Frucht gegessen hat, wurden seine Augen geöffnet zum Fleisch. Quand Adam a mangé ce fruit, cette pomme, et ses yeux ont été ouverts pour la chair. His eyes were opened to carnal things. Seine Augen haben sich zu dem fleischlichen Ding dieser Welt geöffnet. Ses yeux ont été ouverts pour les choses charnelles. He became blind to the spiritual world. Er wurde blind für die geistliche Welt. Il est devenu aveugle pour le monde spirituel. Amen. Amen. Dans ce moment-là. Praise the Lord. Amen. Man was, you know, man. God did not create man to live in the flesh at all. Gott hat den Menschen nicht erschaffen, um im Fleisch zu leben. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans la chair. Man was living and walking in the spirit before the fall. Der Mensch hat vor dem Sündenfall im Geist gelebt und gewandelt. Avant la chute de l'homme, l'homme vivait dans l'esprit et se conduisait aussi selon l'esprit. But after the fall, it was not walking, living and walking in the flesh. Aber nach dem Sündenfall ist man dann im Fleisch. Hat man im Fleisch gelebt und ist im Fleisch gewandelt. Et après la chute de l'homme, l'homme était devenu complètement charnel. Il se conduisait selon la chair et il voyait aussi les histoires charnelles. We have just read that if we live in the spirit, we should walk in the spirit, not in the flesh. Wir haben gerade gelesen, dass wenn wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln. On vient de lire que si on vit dans l'esprit, on doit aussi se conduire selon l'esprit. And Romans 8 help us to know what carnality is, what the flesh is. Go to Romans 8. In Römer 8 lesen wir, was Fleischlichkeit bedeutet. On va lire Romains 8 et là on va voir qu'est-ce qui signifie charnel. Livre de la charnalité. From verse 3, it says, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Romains 8, 3. You will not read everything, Charles. True, hein? I will tell you. Romains 8, 3. Yeah, Romans 8, from verse 3. Mm-hmm. Then verse 4. That the righteousness of the Lord might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Wir nicht nach gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ceux qui ne vit plus à travers la chair, mais à travers l'esprit. In verse 1, it said, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. In Vers 1 lesen wir, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. En Romains 8, 1, par exemple, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ par l'Esprit. You know, then in verse 2, it talks about two laws. In Vers 2 spricht er über zwei Gesetze. Et dans verset 2, il parle de deux lois. talks about the laws of Christ and the laws of Moses. Es geht um die Gesetze von Christus und die Gesetze von Mose. Il parle de la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ. These two laws, they are God's law. Diese zwei Gesetze sind die Gesetze von Gott. Tous ces deux lois, ça vient de Dieu lui-même. But one is salvation, the other one is bondage. Aber eins ist Freiheit und das andere ist Gefangenschaft. Mais un de ces deux est une malédiction et l'autre c'est une liberté. Praise the Lord. Amen. Amen. It is a pity that the church chose that of bondage to preach today. Und es ist schade, dass die Kirche die Gefangenschaft predigt. Et c'est vraiment très triste que les églises sont en train de prier choisir la captivité. It says, for the law of the spirit of Christ of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. The law of sin and death came through Moses. Das Gesetz von Sünde und Tod ist durch Mose gekommen. Et la loi de la chair et Sünde, le péché, ça vient de Moïse. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That's why it's only through Christ you are free. Jetzt sind wir nur durch Christus frei. No other way. Religion can never free you. Religion kann dich nicht frei machen. C'est pour cela on est seulement à travers Jésus-Christ on est libre. La religion ne peut pas te libérer. Praise the Lord. Amen. And then in verse 5, it says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Verse 6, for to be carnally minded is death. Can you see it? Fleischgesinnt zu sein ist tot. Être charnel, c'est la mort. Carnal mind came when Adam ate that fruit. Die fleischliche Gesinnung kam, nachdem Adam von der Frucht gegessen hat. Cette mentalité de la charnalité, c'est venu après que Adam puisse manger le fruit. Praise the Lord. Hallelujah. We inherited sin. Wir haben die Sünde geerbt. Nous, on a hérité. On a hérité. Le péché. Amen. And that is why today righteousness is our inheritance. Deswegen ist Gerechtigkeit what we do, unser Erbe. Et c'est pour cela en Jésus-Christ. Basiert auf dem, was Jesus Christus für uns getan hat und nicht das, was wir tun. Et c'est pour cela en Jésus-Christ, notre justice, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que c'est basé sur ce que lui il a fait pour nous et pas ce que nous on fait pour lui. Praise the Lord. Amen. Again, for some days now, the Lord has been telling me some few things that, you know, just 2-3 days since Wednesday happened, you know, that I should come here, this very place, to help you to get it. Experience. Seit ein paar Tagen will her, dass ich euch nochmal genau erkläre und euch daran erinnere, was Erfahrung bedeutet. Il y a quelques jours passés, le Saint-Esprit veut que je puisse vous parler de l'expérience, de vous devez comprendre ce que ça signifie. We don't walk by experience. Wir arbeiten nicht durch Erfahrung, sondern durch Christus. On travaille pas à travers nos expériences, on travaille à travers Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The radicals don't walk by the natural experience. Die Radikalen arbeiten nicht durch die natürlichen Erfahrungen. Les gens radicaux de Jésus-Christ du royaume des cieux ne travaillent pas à travers l'expérience naturelle de ce monde. The flesh is always after experience. Das Fleisch ist immer hinter Erfahrung her. Parce que la chair est toujours veut toujours être travaillée à travers l'expérience. The natural people learn by experience. Experiencing evil before they now learn. Natürliche Menschen. I don't know if you are getting it. Lernen immer durch Erfahrung. Durch schlechte Erfahrung lernen sie. L'homme naturel est en train toujours d'apprendre à travers ses expériences. Amen. Amen. They believe experience is their best teacher. Sie glauben an Erfahrung. Is our best teacher. Amen. Ihr bester Lehrer. Aber Christus unser bester Lehrer. Les gens naturels pensent que l'expérience est leur professeur, mais Jésus-Christ, c'est lui qui est notre professeur. The Bible calls the Holy Spirit a teacher. Die Bibel nennt den Heiligen Geist einen Lehrer. La Bible appelle le Saint-Esprit comme notre professeur. Amen. Amen. So experience, you know, experience, learning with experience is not the system of Christ. Durch Erfahrung zu lernen ist nicht das System von Christus. Apprendre à travers l'expérience, c'est pas le système de Jésus-Christ. We don't experience evil before we hate evil. Wir erfahren nicht das Böse, bevor wir das Böse hassen. En Jésus-Christ, on n'a pas, on doit pas d'abord expérimenter les histoires mauvaises pour haïr ou détester quelque chose de mal. Johannes 15. On va lire Jean 15. We'll go to just verse 3 there. Amen. Verset 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Christ's word cleans us and not experience. Das Wort von Christus reinigt uns und nicht Erfahrungen. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous purifie et pas les expériences. Amen. You know the world, you know for them it's all about the experiences, then they don't go there again. Until fire burns them, they don't know that fire is dangerous. Erst wenn sie sich verbrennen, haben that sie verstanden. Through Christ we know what fire is. Amen. Haben sie verstanden, dass sie sich davon fernhalten sollen. Aber durch Christus, er leitet uns und sagt uns, wovon wir uns fernzuhalten haben. Dans ce monde, par exemple, d'abord tu dois expérimenter quelque chose. Tu dois d'abord comprendre que quelque chose est mauvais pour ne pas y aller. Mais en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous apprend, qui te dit, il ne faut pas partir là-bas parce que ce n'est pas bien pour toi. Please, at home, you learn it, you listen to the message again and again. Amen. So we're always in the internet. Amen. Online erhältlich. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Christ's word is the truth that the Holy Spirit used to clean us. Das Wort von Christus, die Wahrheit, womit Christus uns reinigt. La parole de Dieu, c'est la vérité laquelle le Saint-Esprit utilise pour nous purifier. The doctor says you are going to die. Wenn der Arzt sagt, dass du sterben wirst. Si le docteur dit que tu vas mourir. You know, Christ was said, if you eat me, you will not see death. Das Wort von Christus sagt, wenn ihr mich isst, werdet ihr den Tod nicht sehen. Mais la parole de Dieu dit que si toi tu me, si vous me mangez, vous n'allez même pas voir la mort. Amen. Amen. Jean 6, il est écrit. The Holy Spirit will use that, you know, what Christ said, his word to kick out the fear. That, you know, what the doctor says is going to bring fear into your life. Denn das, was der Arzt sagt, there's going to be problem. Wird Angst in dein Herz bringen, wird Angst in dein Leben bringen und es wird für Probleme sorgen. Und der Heilige Geist bringt das. Was? Die hat weitergehabt. Und der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, um dich dann zu säubern. C'est que le docteur te dit, par exemple, quand le docteur dit que tu vas mourir, tu auras une peur dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va utiliser ce que Dieu a écrit, ce qui est écrit dans la Bible, que tu vas pas, si tu lui manges, par exemple, tu ne vas pas voir la mort. Il va utiliser ça pour te donner la paix dans ton cœur, comme ça, pour enlever cette peur de toi. You know, doctors, they have one problem. Aber Ärzte haben ein I problem. Don't know if you know the problem. Mais les docteurs, par exemple, ils ont un problème. Je ne sais pas si vous they connaissez cannot le problème. See your spirit. Ils ne peuvent pas voir ton esprit. Ils ne peuvent pas voir ton esprit. Ils ne peuvent pas voir ton esprit. They think that who you are is your body. Sie denken, du bist dein Körper. Eux, ils pensent que tu es ton corps. They don't know that who you are is your spirit. Amen. Sie wissen nicht, dass du dein Geist bist. Eux, ils ne savent pas que toi, tu es ton esprit et pas ton corps. Praise the Lord. Alléluia. You allow the Holy Spirit to help you, to remind you that who you are is your spirit. Du lässt zu, dass der Heilige Geist dich daran erinnert, dass du dein Geist bist. Tu autorises le Saint-Esprit à te rappeler que toi tu es ton esprit et pas ton corps. They cannot see your spirit, so they cannot tell you anything of your spirit. Sie können deinen Geist nicht sehen, deswegen können sie dir nichts über deinen Geist sagen. Le docteur ne peut pas voir ton esprit, c'est pour cela il peut pas te dire comment qui tu es. And your spirit controls your body. Und dein Geist kontrolliert deinen Körper. Et ton esprit ça contrôle aussi ton corps. The spiritual world controls the physical. Geistliche Welt kontrolliert die physische. Le monde spirituel contrôle le monde charnel. Until the spirit will say yes, the body can never say no. Erst wenn die geistliche Welt sagt, ja, sagt, kann dein Körper da if the spirit say yes, the body can never say no. Wenn der Geist ja sagt, kann der Körper nicht nein sagen. Si ton esprit dit oui, ton corps peut jamais dire non. Praise the Lord. Hallelujah. I'm talking about the radical. That's God's children. Ich spreche über die Radikalen, die Kinder Gottes und nicht über religiöse Menschen. Je parle de radicaux, les enfants de Dieu. Religious people, they are so naked. Denn religiöse Menschen sind nackt. They are so naked. Je parle pas de la religion religieux parce que eux ils sont vraiment nus. Because they don't belong to Christ. Weil sie nicht zu Christus gehören. Parce qu'ils appartiennent pas à Jésus. Satan fight them. Und der Teufel bekämpft sie. Satan hate them. Er hasst sie. Et le diable est en train de leur combattre. Amen. Amen. You know, they might be for Satan, but Satan hate them. Because they try to do the good of this world. Und diese Leute sind zwar für den Satan, aber dennoch hasst der Satan sie, weil sie immer noch versuchen, das Gute dieser Welt irgendwie zu tun. Les gens, les religieux, par exemple, eux, ils sont quelquefois ils sont pour le diable, mais le diable est en train aussi de les détester parce que eux, ils sont en train d'essayer de faire le bien de ce monde. En fait. Amen. You know, in Nigeria, because I know them very well. Maybe if I'm in Ghana, I will say it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people always say good people died early. In Nigeria sagt man beispielsweise, dass gute Menschen früh sterben. En Nigeria, dans ce monde, tout le monde dit, ils sont en train de dire que les gens qui sont bien, eux, sont toujours les premiers à mourir. Praise the Lord. Hallelujah. Because for good people, it is about themselves. Gute Menschen geht es immer nur um sie selbst. Ihnen geht es nicht um Jesus Christus. Parce que les gens de ce monde, les gens qui sont bien, les bonnes personnes, pour eux, il s'agit que de eux-mêmes, ce que eux ils font. Il s'agit jamais de ce que Jésus Christ a fait. And whatever is not praising Christ, definitely is praising Satan. Und was immer nicht Christus repräsentiert, repräsentiert den Teufel. Et tout ce qui ne représente pas Jésus Christ, ça représente le diable. Amen. Amen. You know, they think they are working for God. Sie glauben, dass sie für Gott arbeiten, indem what sie this Dinge tun. Das was die Menschen gut nennen. Eux sont en train de penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien, c'est que ce monde appelle bien. Amen. Amen. We are not representing Christ. Aber wir repräsentieren, ihr repräsentiert damit nicht Christus. Mais ils sont pas en train de représenter Jésus-Christ. The only good work is Christ. Das einzige gute Werk ist das, was Christus für uns getan hat. Es gibt nichts Gutes im Menschen. Il n'y a rien de bon dans l'homme, parce que le seul bien est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Liebe ist nicht die Liebe dieser Welt. Sa propre manière d'aimer, son amour, c'est pas l'amour de ce monde. Amen. Amen. The love of this world, if you love me, I love you. Liebe dieser Welt ist bedingt. Wenn du mich liebst, liebe ich dich zurück. Parce que l'amour de ce monde est conditionnellement, parce que il s'agit de si tu m'aimes ou si je t'aime. But if you hate me, I will not love you. Aber wenn du mich hasst, werde ich dich nicht lieben können. Ich werde dich zurückhassen. Et l'autre condition est que si toi tu me détestes, moi aussi je vais te détester. And people believe it is good. Und Leute glauben, das ist gut so. Et le monde naturel pense que c'est bien. But God kind of love is unconditional. Aber die Liebe von Gott ist bedingungslos. Mais l'amour de Jésus-Christ, c'est inconditionnellement. It is not based on you loving me. It's based on who I am. Sie basiert nicht auf dem, Christ love me. Du that tust, is the reason I love you. Sondern sie basiert auf dem, was ich bin, nämlich Christus. Und Christus hat mich geliebt und deswegen liebe ich weiter. L'amour de Jésus-Christ est inconditionnellement. Ça signifie que moi je t'aime parce que Jésus-Christ m'a déjà aimé. Lui, il m'aime. C'est pour cela que je te transporte aussi cet amour. Praise the Lord. Hallelujah. Everything of Christ, they are so different. Alles von Christus so anders. Tout ce qui est de Jésus-Christ est différent. Amen. Amen. In John 15, verse 3, it says, Christ's word cleans us, and not problems cleans us. In Johannes 15 lesen wir, dass wir nicht aus nicht durch Probleme gereinigt werden oder oder etwas beigebracht bekommen, sondern durch Christus. Et la Bible nous dit qu'on apprend à travers Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui nous purifie. Are you getting it? Amen. Amen. We are, you know, some learn by seeing others' problems. They don't want to have it. Or their parents My parents, this is the mistake they made, I don't want to make it. That is not, that is not Christ's word. That is the natural word. Viele Leute lernen durch das, was anderen Leuten widerfährt. Sie sehen, wie schrecklich das Leben dieser Menschen ist und sagen, boah, so ein Leben will ich niemals führen. Oder sie lernen durch das, was ihren Eltern passiert ist und sagen, boah, ich habe das Leben meiner Eltern gesehen, ich will niemals so ein Leben haben und deswegen hat mich das geprägt, ein anderes Leben heute zu führen. Aber das ist nicht Jesus Christus. Parce que les gens sont en train, par exemple, d'apprendre à travers des choses que les autres ont fait, des problèmes que les autres ont eu. Par exemple, tu te dis que ça, c'est le problème que mes parents ont eu, le même problème, je ne veux pas avoir ça aujourd'hui. Ça, c'est charnellement, ça, c'est charnel. Dans le royaume des cieux, on apprend les histoires différemment. You know, Satan is so clever. Der Teufel ist schlau, clever. Er ist sehr clever. Le diable est vraiment rusé. You know, in Matthew 10, Jesus said, be clever like the serpent. In Matthäus lesen wir, dass wir so schlau sein sollen wie die Schlange. Il a dit en Matthieu qu'on doit être aussi intelligent comme le serpent. And he have a lot of wisdom, that's Satan. Und er hat viel Weisheit. Il a beaucoup de sagesse. And you know, God gave him the wisdom. Gott gab ihm, als er noch Engel Lucifer war, diese Weisheit gab er ihm. Dieu l'a donné la sagesse. Quand il était encore l'ange Lucifer. Because that's true, because of the falling, he fell. He was cast out of heaven. You know, his wisdom, his everything has been corrupt. It's no longer of Christ. Und als Lucifer dann aus dem Himmel verbannt worden ist, weil er sich gegen den Herrn gestellt hat, wurde er vom Himmel sozusagen verbannt. Aber seine Weisheit ist immer noch bei ihm geblieben. Und diese Weisheit ist nicht mehr rein, ist nicht mehr von Christus, sondern sie wurde verunreinigt. Und deswegen hat er immer noch so ein großes Maß an Weisheit, aber was verunreinigt ist durch den Fall. Quand il était Lucifer, Dieu lui avait donné une sagesse, une grande sagesse. Mais quand on l'a chassé du ciel, il est tombé ici sur terre, mais il est toujours tombé avec toute sa sagesse. Mais cette sagesse-là, c'était plus bien comme au ciel. Ça a été impur. Donc, il a toujours sa sagesse, mais il est devenu un peu impur. Il n'est plus comme celui du ciel, en fait. If you see how he uses his, you know, his talent, his talent, his wisdom, corrupt wisdom, to control the world and control even the church today. Control the world and the church. Amen. Amen. You know, the church, what they call good today, they never see Christ as the only good thing. But other way, you can be good. And you know, Satan is so clever. Und diese Intelligenz des Teufels zeigt sich einfach in den verschiedenen Religionen, die wir heute haben, weil sie ja alle von ihm sozusagen stammen. Und diese ganz verschiedenen Denkweisen, dieses verdrehte, perversierte Denken, was von der Wahrheit, wo Stücke von der Wahrheit genommen werden und sie verdreht werden, dass dann man anstatt in Christ die Gutmütigkeit von Christus zu suchen oder daran zu glauben, an seine eigene Gutmütigkeit glaubt und darauf sein Leben aufbaut. On voit que son intelligence, il est très malin en fait. Il a travaillé avec sa sagesse, son intelligence. Il a utilisé ça pour aussi avoir des différentes dénominations qu'on a dans ce monde, des religions différentes. Donc il essaie de prendre le bien de Dieu et puis il le transforme encore. Donc il est vraiment très malin. Il est en train de fabriquer seulement pour que les gens ne puissent pas connaître la vérité et suivre Jésus-Christ lui-même. In Mark 10, in Markus 10, Jesus said, "It is only God that is good." Sagt Jesus ganz only klar, God. Nur only Gott ist gut. Amen. Nur er ist gut. Dans Marc 10, il est écrit que seulement Jésus-Christ est le seul bien ici dans ce monde ou partout. C'est seulement Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. You know, if you don't like the experience, what your mother, your father experience, but what about what your uncle experience? Mm-hmm. You like that? That one is good. A little, you know, is better than what your mother experience. That one is the good of this world. Follow it. Are you getting something? Wenn dir das verkorkste Leben deiner Eltern beispielsweise nicht passt und nicht du das nicht haben willst, aber du dich dann umdrehst und dann auf das Leben deiner Tante und deines Onkels schaust und du denkst, aber das ist besser, weil die haben vielleicht Karriere gemacht oder haben Geld und haben die Welt gesehen, haben tolle Sachen erlebt und dann willst du dieses Leben aber, weil das weltlich gesehen ein vernünftiges, erfolgreiches Leben ist. Aber das ist immer noch nicht Christus. Par exemple, quand tu vois les expériences de tes parents, tu dis que eux, ils ont fait. J'ai des mauvaises expériences avec mes parents, ils n'ont pas vraiment vécu la vie que moi je pense que c'est bien. Et tu te tournes et tu vois, ah, par exemple, mon oncle, lui, il a eu. Ah, par rapport à la vie de mes parents, leur vie était mieux, ils ont fait quelque chose de mieux, de bien. Et moi, je veux suivre, par exemple, mon oncle et pas mes parents. Mais. Même la vie de ton oncle, s'il ne s'agit pas de Jésus-Christ, c'est aussi pas bien dans ce monde. C'est seulement bien de ce monde, mais pas bien de Jésus-Christ, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui est le seul bien. Donc, faut pas, ça ne sert à rien à suivre les exemples gauche-droite. Il faut seulement suivre Jésus-Christ à la fin. Christ walking us are not problem, are not experiencing problem. Das Wort von Christus reinigt uns und nicht Probleme. Oder Probleme, die du selbst erlebt hast. Nicht das reinigt dich. Nicht das ist deine Erlösung. C'est seul la parole de Dieu qui nous purifie. Et ce sont pas les expériences de nos parents ou de ce que nous-mêmes on a vécu. C'est pas ça qui nous purifie. Pas nos problèmes. C'est seulement la parole de Dieu. Except, I don't want to go to that part today. The natural experience and the spiritual experience. There are two different experiences. But let us go to 1 Peter. Und selbst aber im Thema von Erfahrung ist auch eine geistliche Seite der Erfahrung, eine physische Art der Erfahrung. Aber darauf werden wir heute nicht eingehen. On va pas y en parler aujourd'hui, mais vous devez comprendre qu'il y a aussi une expérience spirituelle, il y a aussi des expériences naturelles. On va pas y aller aujourd'hui. On va d'abord lire 1 Pierre. Because we experience Christ. Denn unsere Erfahrung ist Christus. Amen. Parce que notre expérience c'est Jésus-Christ lui-même. And not experiencing the flesh. Und nicht das Fleisch. Et pas la chair. In 1 Peter 1. 1 Peter 1:22. I love this place also. 1 Pierre 1:22. I don't know anywhere that I don't love in the Bible. Amen. Are we there, please? 1 Peter 1, verse 22. 1 Pierre 1, 22. It says, since you have purified your souls in obeying the truth, you purify. How your soul can be clean is by knowing the truth and believing the truth and acting on the truth. Eure Seele wird gereinigt. Unser Herz wird gereinigt. Indem wir die Wahrheit kennen und nach der Wahrheit handeln und dieser Wahrheit gehorchen. C'est par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre cœur. Praise the Lord. Hallelujah. It says, since you have purified your soul in obeying the truth, through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart, fervently. Amen. Amen. You love one another. Wir lieben einander. With Christ's love, and not with the love of this world. Und ich liebe diese Welt. Vous aimez l'un à l'autre à travers l'amour de Dieu et pas à travers l'amour de ce monde. And not until somebody offends you. Nicht bis jemand dir auf die Nerven geht. Und dann bist du anders. Pas quand quelqu'un va t'offenser, là tu changes de face. Non, c'est the, tu continues the love, à travers l'amour de Dieu. You know, the love husband and wife are supposed to love one another. It's God kind of love. Die Liebe, die Ehepaare füreinander haben sollten, ist die Liebe von Christus, aber leider ist das nicht der Fall. L'amour que les couples aujourd'hui doivent, un mari et sa femme doivent avoir, c'est l'amour de Jésus-Christ, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Amen. Amen. You know, it's not there. You know, if you want to know that it's not there, until your wife offend you or your husband offend you. Let him go and sleep with somebody else outside. Und wir sehen das, indem wir erkennen, you know that. Wenn die Person funktioniert, ist alles gut, aber wenn diese Person dich betrügt, dann gerät alles ins Wackeln, weil die Liebe nicht die Liebe von Christus ist, sondern die Liebe dieser Welt. On le voit aussi quand un couple ou ton mari ou ta femme te trompe Et tu vois, là, tu vas comprendre et te tester toi-même si tu l'aimes à travers l'amour de Dieu ou à travers l'amour de ce monde. Parce qu'à travers l'amour de ce monde, tu seras furieux, par exemple. À travers l'amour de Dieu, c'est un peu... You know, what we call fornication, a big sin. Do you know how much we have been fornicating, leaving Christ and going through, following other things? You know, that is fornication. Wir nennen Ehebruch eine große Sünde, aber wir erkennen gar nicht, wie oft wir Ehebruch schon begangen haben gegenüber Jesus Christus. Quelquefois on dit que la fornication est quelque chose de très, très grave, mais on ne se rappelle pas de combien de fois on a commis de la fornication envers Jésus-Christ. Que quelquefois on suit Jésus et quelquefois on suit quelque chose d'autre et puis on revient. Donc c'est aussi la fornication envers lui. Et ça, on ne se rend pas compte de ça. Go to the book of James. Jacobus. On va lire Jacques. Look at what the Bible call you. Schaut euch an, was die Bibel zu euch sagt. We love you. Aber dennoch liebt er uns. Und ist für uns gestorben. On va voir ce que la Bible, comment la Bible nous appelle. Mais malgré tout, lui, il nous aime. Il est mort pour nous. If a wife fornicate or just, you know, it's, you know. No, that saying is too much. It's too much. Look at what the Bible called you. Upon all, Jesus died for you. You know, his own love is all, you know, we are to get it. Amen. Amen. You know, the love is love does not is not based on what you do. You that you are good. That is not his love. That you know he loved the unlovable. That's love. Er liebt halt die Leute, die nicht geliebt werden können. Il aime, par exemple, les gens qui ne peuvent pas être aimés. What kind of love? God is love. L'amour de Dieu. That's why without him you cannot love that love. Deswegen you just need Jesus to love that love. Ohne Jesus Christus kannst du diese Liebe nicht führen, weil sonst wirst du diese Person töten, sobald sie dir irgendwas antut. On a vraiment besoin de Jésus-Christ pour avoir cet amour. Pour vivre dans cet amour de Jésus-Christ lui-même. Sinon, tu es même capable de tuer quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas compris l'amour de Dieu. You know, if I just come to you now, I give you a dirty slap. I'm not a clean one. Praise the Lord. You know, you will not say thank you. Oh. Praise the Lord. Amen. But Jesus says, somebody slap you on one side, give him the other side. You know, that love is a love that, you know, look at what he said here. We will read it. Amen. Amen. Und wenn ich dir jetzt einfach ins Gesicht schlagen würde, wie würdest du damit umgehen? Wie würdest du darauf reagieren? Als normaler Mensch würdest du zurückschlagen oder aus der Fassung sein. Aber Jesus Christus sagt, dass wenn dich jemand auf eine Seite schlägt, sollst du ihm die andere Seite zeigen. Par exemple, si moi je viens vers vous et je vous donne une bonne gifle là, je veux voir si comment vous allez réagir. Non, peut-être tu vas aussi vouloir me taper, mais Jésus-Christ il a écrit dans la Bible, si quelqu'un te donne une gifle, tu dois aussi tendre l'autre côté. Là tu as besoin, ça te fait voir que tu as besoin de Jésus-Christ pour agir ainsi. Look at verse 4 of James 4. Jacobus 4, verse 4. Jacques 4:4. It says, you adulterer. And adulteresses. Have you seen it there? What he called you. Amen. Amen. Know you not that the friendship of this world is enmity with God. That you love the things of this world. That you know that you are one with them. You are in that fornication. Dass du die Dinge dieser Welt liebst. Dass du eins bist mit ihm. Dann bist du schon ein Ehebrecher. Quand tu aimes les choses de ce monde, tu es aussi un fornicateur parce que tu n'es pas un avec Jésus-Christ. You know when we got here, you know, do you know how you have been fornicating before the Lord? You know, leaving him, rejecting him, and following your will. Und damit sind wir auch unehelich. Et rappelle-toi de combien de fois tu as commis la fornication envers Jésus-Christ. Combien de fois tu as été pour lui et puis contre lui. Tu as comme suivi ce monde ici. Tu as continué à être un bâtard comme si tu connaissais pas ton père. I was a bastard for so many years. Und ich war auch ein uneheliches Kind, bis ich meinen Vater erkannt habe. Moi aussi j'étais un bâtard quand je connaissais pas mon père pendant des années. Amen. You know Hebrew 12 talk about bastard. Amen. He says you don't know Christ as your father, you are a bastard. Etwas über die unehelichen Kinder. Wenn wir unseren Vater Jesus Christus nicht kennen, sind wir uneheliche Kinder. La Bible dit que quand on connaît pas notre père, on est nous sommes des bâtards. On connaît pas notre père. Amen. Bei der Natur, aber we know what they call bastard. Aber natürlich wissen wir, was man uneheliche Kinder nennt. Mais dans le monde naturel, là, on comprend qu'est-ce que ça signifie être un enfant qui n'a pas un père. Praise the Lord. Hallelujah. For us, it's what Christ called things that we call things. Wir nennen die Dinge so, wie Jesus sie sieht. Amen. Amen. Mais nous ici, on apprend à appeler les histoires comme Jésus-Christ les voit aussi. La définition de Jésus-Christ, de Dieu lui-même, pas la définition de ce monde. Again, in 1 Peter 1:22, he said, our soul is purified by obeying the truth, by believing it, obeying it, attaining the truth. Unsere Seele ist gereinigt, indem wir nach der Wahrheit how handeln to clean, how to clean und danach sie glauben und ihr gehorchen. Comme on a déjà lu en 1 Pierre 1:22, on purifie notre âme en obéissant la parole de Dieu. By obeying Christ and not obeying Moses. The laws of Moses. Quand on obéit Jésus-Christ, c'est pas quand on suit les commandements de Moïse. The whole church is today is all about obeying the laws of Moses. Don't steal, don't lie, don't kill, don't do. It's all about, you know, the what Jesus obeying Christ is believe Christ. That's just his thing. I don't even know if we have to go there. Amen. Christus gehorchen heißt an Christus zu glauben. Just his thing. Johannes 16. On va croire en Jésus-Christ, ça signifie obéir Jésus-Christ aussi. On va lire ça en Jean 16. Look at what Jesus called the only sin. Schaut euch an, was Jesus die einzige Sünde nennt. Là, il nous dit, qu'est-ce qui est le seul péché? Praise the Lord. Hallelujah. If you look at here, he was preparing to go. Wenn wir uns das anschauen, war er gerade auf dem Weg zu gehen. Si on voit ici, quand on lit, il était en train de se préparer pour s'en aller. Please read here at home. Let it be your homework, John 16. Johannes 16 soll unser Hauptplan sein. Amen. Praise the Lord. From verse 4, yes. It says, but these things have I told you, that when the time shall come, you may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. He was preparing to go. Ici, il se préparait pour s'en aller. He knows it was getting to time. Er wusste, dass es an der Zeit war. There was clicking. Amen. Il savait que le temps était venu. Then in verse 5, he said, but now I go my way to him that sent me. And none of you asked me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow have filled your heart. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. It is better for you that I go away. Es ist besser, dass ich gehe. Il a dit que c'est mieux pour nous que lui puisse partir. Because the whole of the Holy Spirit was inside him. Weil der ganze Heilige Geist war in Jesus und er musste ihn freigeben. Et parce que le Saint-Esprit était en lui, il a dû le libérer. He said, for if I go not away, the comforter will not come. Yeah, he gave you the reason why he must go. The comforter, il nous a expliqué pourquoi il a dû partir. Il a dit que si je ne pars pas, le confort. You need the Holy Spirit. Vous brauchez le Saint-Esprit. You need the power of the Holy Spirit. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. On a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. No one can follow Christ without the power of the Holy Spirit. Niemand kann Christus folgen ohne der Kraft des Heiligen Geistes. On n'est pas capable de suivre le Saint Jésus-Christ sans la puissance du Saint-Esprit. You cannot be saved without the power of the Holy Spirit. Du kannst nicht errettet sein ohne die Kraft des Heiligen Geistes. On peut pas être sauvé sans la puissance du Saint-Esprit. You cannot know Christ without the power of the Holy Spirit. Du kannst Christus nicht erkennen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. On peut pas connaître ou avoir une relation avec Jésus-Christ sans la puissance du Saint-Esprit. You cannot believe Christ without the power of the Holy Spirit. Du kannst Christus nicht glauben ohne die Kraft des Heiligen Geistes. On peut même pas croire Jésus-Christ sans la puissance du Saint-Esprit. You cannot trust Christ without the power of the Holy Spirit. Du kannst auch Christus nicht vertrauen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Christ. Tu peux pas faire confiance en Jésus-Christ sans la puissance du Saint-Esprit. You cannot hear the voice of Christ without the power of the Holy Spirit. Du kannst seine Stimme nicht hören ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Tu n'es même pas capable d'écouter la voix de Jésus-Christ. You cannot understand Christ without the power of the Holy Spirit. Du kannst Christus nicht verstehen. Du n'es pas capable de comprendre Jésus-Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 8, and when he is come, he will reprove the world of sin. Ah, praise the Lord. Hallelujah. What religion calls sin is not what God calls sin. Was Religion Sünde nennt, ist nicht das, was Christus Sünde nennt. C'est que le monde a nommé comme péché, c'est pas ce que Dieu appelle péché. Amen. Amen. Jesus, he knew that, you know, he knows that what religion calls sin is not what he calls sin. Jesus weiß, ist das, was er Sünde nennt, nicht das, was Religion Sünde nennt. Ici, on voit que Jésus-Christ savait que ce que la religion appelle péché, c'est pas ce que lui l'appelle péché. Amen. Amen. You know, if you can live without lying, without stealing, without fornication, without, you know, Jesus does, he does not need to come. Wenn du ohne Jesus, ohne Lügen, ohne Klauen, ohne Dinge leben könntest, dann hätte wer nicht gekommen, für dich zu sterben. Si on était capable de vivre sans avoir sans péché, sans mentir, sans faire n'importe quoi, là Dieu Jésus-Christ lui-même n'avait même pas eu besoin de venir pour mourir pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. So, can you help us to read verse 8, Schatz? Verse 8. Und wenn jener kommt, wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. And when he is come, he's talking about the Holy Spirit. Es geht den Heiligen Geist. He said he will reprove the world of sin. He will help us to know what sin is. And of righteousness, what righteousness is. And not what religion called righteousness. Adopting children, giving money, people food. Be there for people in the flesh and not in Christ Jesus. Are you getting it? Donc, et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. And of judgment. The Holy Spirit will, through the Holy Spirit we can judge. Durch den Heiligen Geist können wir richten. Amen. À travers le Saint-Esprit, on est capable de juger. Praise the Lord. Without the power of the Holy Spirit, you are not able to judge. Because you will judge. You will judge. Your flesh will be the one judging. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'a même pas le droit de juger. Parce que là, on va commencer à juger charnel. Remember our message on Tuesday. Amen. Erinnert euch an unsere Botschaft. Every Tuesday. Amen. Ça c'est notre message de Jesus is not saying we should not judge. Jesus sagt, wir sollen nicht richten. Jésus Christ n'a pas dit qu'on doit pas juger. He said judge righteous. Wir sollen gerecht richten. Il a dit qu'on doit juger, mais on doit juger juste. And you have to know how to judge righteous. Wir müssen wissen, wie man gerecht richtet. Et on doit voir et comprendre, savoir comment juger. No, religion, love, don't judge. Liegt es darauf zu beharren, dass du nicht richten sollst. La religion, les religions, les hommes religieux disent toujours, faut pas juger, faut pas juger. Amen. They love it so much. Sie lieben das. Because they don't want their deeds to come to light. Weil sie wollen, dass ihre bösen Taten ans Licht kommen. Parce qu'ils veulent pas que leurs choses qui font de mal, que ça puisse venir dans la lumière, qu'on puisse pas voir ce qu'ils sont en train de faire. Because judging means bringing what is in darkness into light. Weil richten bedeutet, das, was in der Dunkelheit ist, ins Licht bringen. Parce que juger, ça signifie que tu emmènes ce qui est dans le sombre, tu l'emmènes vers la lumière. Tu es en train d'exposer les mensonges, et ça, ils ne veulent pas ça. You don't hide, you don't... Praise the Lord. La religion est contre ça. Amen. Amen. Then in verse 12. Verset 12. Oh, sorry. Let me see. And in verse 9. Verse 9. Then it help you to know what sin is. He said, of sin because they believe not on me. Amen. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ici, il nous fait voir ce qui signifie le péché. Il dit au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Und nicht, weil sie gestohlen haben oder gelogen haben, sondern weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Il n'a pas dit que le sujet c'est parce que vous avez menti ou vous avez tué quelqu'un. Il a dit parce que le monde ne croit pas en moi. C'est ça le péché. I've sinned because your focus is not on me. Von Sünde, weil if your focus is on me, I am the light and the darkness is out. Weil wenn ihr Fokus auf mir liegen würde, ich bin das Licht und die Dunkelheit muss weichen. Amen. Le péché c'est parce que vous me croyez pas, parce que si vous me croyez, vous allez savoir que c'est moi la lumière et qu'il n'y a plus de ténèbres. Et c'est ça la vérité. I'm saying because they believe not on me. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Not because they lie. Nicht weil sie gestohlen haben. Because they never believe. If you believe me, those evil will hurt you. Denn wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du. If you believe Christ, you are light. Wirst du die Dunkelheit zurücklassen und deinen Fokus auf dem Licht haben. Au sujet du péché, c'est parce que le monde n'a pas cru en lui. Parce que si on croit vraiment réellement en Jésus-Christ, on ne va pas laisser le temps au péché ou bien le temps que ce monde puisse nous affecter, nous mentir. The same thing Jesus is saying here is what is in Genesis. Und das gleiche, was Jesus hier sagt, steht auch in 1. Mose. 1. Mose 2. Et la même chose qu'il dit ici, là aussi, il écrit en Genèse 1, 2 et 3. Amen. Amen. God told Adam, if he did not say don't steal, don't lie. He did not say don't fornicate. He said, if you don't believe me, you will surely die. If you eat the food, because God told him don't eat the food. The problem is he did not believe. The same here. The same thing here. Amen. You know, Adam did not believe God. He believed Satan. Amen. Yeah. And it was not about all this what people can say. If you believe God, if you believe him, the devil is a liar. Amen. He's a loser forever. Amen. Wir sehen ganz klar, dass in 1. Mose hat Gott zu Adam gesagt, du sollst nicht von der Frucht essen. Er hat nicht gesagt, du sollst nicht lügen und du sollst nicht stehlen, sondern er hat gesagt, du sollst nicht von der Frucht essen, du sollst meiner Stimme gehorchen und das tun, was ich dir sage. Aber das hat er nicht getan, weil er dem Herrn nicht vertraut hat, er hat dem Herrn nicht geglaubt, er hat eher der Stimme des Fremden geglaubt, er hat dem Teufel geglaubt und das war seine Sünde, weil er dem Herrn nicht, weil er den Herrn nicht geglaubt hat. Und das ist auch das, was wir in Johannes 16 lesen, dass er nicht geglaubt hat und dass wir nicht glauben an Jesus, dass was er sagt wahrhaftig ist und das unsere Sünde ist. Et on voit ici, comme on a lu déjà ici, que le péché, c'est que quand on ne croit pas en Jésus-Christ lui-même. Hein? Et on voit ça aussi en Genèse, quand il a dit à Adam, il a dit, il ne faut pas manger ce fruit. Et les religions pensent qu'il s'agit toujours du fruit. Mais le vrai péché était que lui, Adam, il a été désobéissant à la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que si tu manges ça, tu vas sûrement mourir. Et ça signifie que si tu m'obéis pas, tu vas mourir. Donc, le péché, c'est la désobéissance. Dès Genèse déjà, là aussi, ça a déjà commencé. Et nous, on pense que le péché, c'était seulement parce qu'il a fait quelque chose, qu'il a posé un acte que Dieu l'avait interdit. Mais c'était la désobéissance. Sin is singular. Before God and not plural. Und Sünde ist für Gott in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl. Et le péché devant Dieu, c'est singulaire, c'est pas pluriel. It is just one sin. Not believing God. Not believing Christ. Es ist eine Sünde, nicht an Jesus Christus zu glauben. Et il s'agit toujours d'un péché de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est pas toute autre chose que les gens veulent dire. Praise the Lord. Amen. Because until you reject him, you can never ever see those sins. Denn erst wenn du Jesus verweigerst, wirst du anfangen, dich wieder dieser Welt hinzugeben. C'est parce que quand tu commences à désobéir Jésus-Christ, quand tu ne le crois plus, là tes yeux sont ouverts au péché de ce monde. Parce que si ta concentration est vers Jésus-Christ, tu ne vas même pas avoir le temps à regarder gauche et droite et à pécher. Remember the book of Psalm. It said, your word have I hidden in my heart so that I will not sin against you. Mm-hmm. You have I have in my heart. Mm-hmm. You know, I meditate on you. I remember you. You remember Christ. You know, before those things, you know, I don't even remember to sin. I don't even think of it. Because for me, I don't even know if there's even still sin. Because for me, it's all about Christ. Amen. Und im Psalm steht ganz klar, dass, sagt David, ich habe dein Wort in meinem Herzen verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. Also ich habe dich in meinem Herzen verborgen, damit ich nicht sündige. Und wegen dieser Einstellung erinnert man sich noch nicht mal an die Sünde, weil man hat seinen Fokus so krass auf Jesus Christus, dass alles andere, was nicht Jesus Christus ist, gar keinen Platz mehr darin hat. Dans Psaume, il a dit que ta parole, je l'ai cachée dans mon cœur pour ne pas me rappeler de péché, par exemple. Et ça, ça veut dire que ma concentration, c'est vraiment seulement à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que je ne laisse même pas l'espace à ma chair de voir gauche et droite et de ne faire quelque chose qui ne plaît pas à Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'elle dit, moi aussi, je ne me rappelle même pas quand est-ce que je commence à pécher, parce que ma concentration est toujours vers Jésus-Christ, que je ne vois même pas les péchés gauche et droite. You know, you don't go, you never go to places until you think of it. You know that. Bevor wir etwas tun oder bevor wir an einen Ort gehen, denken wir erst mal darüber nach. Avant de partir n'importe où, tu dois d'abord y penser avant d'y aller. Amen. Before you sin, before you, what man calls sin, you think of it before you do it. Bevor wir sündigen, was die Welt Sünde nennt, denken wir erstmal, auch wenn es nur eine Sekunde ist, denkt man erstmal darüber nach und dann tut man es. Avant de commettre un péché, ce que le monde appelle péché, tu dois d'abord y penser avant d'y faire. Tu penses toujours avant de poser cet acte. Praise the Lord. Christ and Christ and Satan cannot be in the same place at the same time. Christus und Satan können nicht zur gleichen Stelle am gleichen Ort sein. Jésus-Christ et le diable ne peuvent pas être dans le même moment, dans la même place. Donc ils ne peuvent pas être eux tous les deux dans tes pensées. If Satan is tempting you, it is. You allow your mind to go there. If not, he cannot tempt you because you know, I don't go there, so I cannot be tempted with those things. But because you always go there, then you understand me. Der Teufel kann dich nur mit deinen eigenen Bedürfnissen versuchen. Wenn ich kein Bedürfnis dazu habe, diese Dinge zu tun, kann mich damit auch nicht versuchen. Wenn ich zum Beispiel keine Äpfel mag, dann kann mir nicht einen Apfel vorhalten und sagen, hier, guck mal, ein Apfel, das würde mich nicht interessieren, weil ich keine Äpfel mag. Le diable peut seulement te tenter avec quelque chose, si tu l'autorises de te tenter avec ça. Parce que si tu ne penses pas, il va pas aussi te tenter avec ça. Si par exemple, tu n'aimes pas, comme elle vient de dire, tu n'aimes pas des pommes de terre, tu ne vas pas aussi à penser à y manger. Mais si tu as envie de manger ça, tu y penses, là, on peut te tenter avec ça. Donc c'est toi-même qui autorise toujours s'il doit te tenter ou pas. Please, verse 9, let us all of us read it together. On va le lire, verset 9, nous tous ensemble. Wait, all of us, please, look at it. Verse 9 of John 16. Jean 16, verset 9, on le lit tout ensemble. Are we there, please? Mm-hmm. On est là. Of want to go of sin au sujet du péché parce que le monde ne croit pas en moi. They believe not on me. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Le monde ne croit pas en moi. Without the power of the Holy Spirit, you can never believe. Ohne Kraft des Heiligen Geistes kannst du das nicht glauben. Du wirst es als Lüge bezeichnen. Sans la présence de Jésus-Christ, tu ne seras pas capable à croire ce qu'on vient de lire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You wanted to say something. Okay, later. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. And of judgment, because the prince of this world is judged. Then verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Without the power of the Holy Spirit, you cannot know Christ. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du Christus nicht erkennen. Es ist unmöglich. Sans la puissance. Ici, verset 12, il nous fait aussi comprendre que sans la puissance du Saint-Esprit, on n'est pas capable de le connaître parce que là, ses paroles sont trop lourdes. You know, you people, you know me already. Without the power of the Holy Spirit, I can never be here. Die hier in der Gemeinde seid, ihr kennt mich. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes könnte ich gar nicht verstehen. Vous ici de cette église, vous me connaissez. Sans la puissance du Saint-Esprit, je suis pas capable de me maintenir devant vous. Without Christ, I'm nothing. Ohne Christus bin ich nichts. Sans Jésus-Christ, je suis rien. If I don't submit to Him, sometimes you ask me what's your name, I have to think of Him before I say it. You know. Without Christ, I'm nothing. But I thank Him that I'm not without Him. Amen. Amen. Amen. ohne Christus bin ich nichts. Ich verdrehe Worte, ich vergesse Worte und weiß meinen eigenen Namen manchmal an Tagen nicht. Aber deswegen weiß ich ganz genau, dass nicht ich mich qualifiziere, um hier zu stehen, sondern der Herr hat mich qualifiziert. Amen. Sans Jésus-Christ, moi je suis vraiment nul, parce que moi-même, charnellement, je sais même pas, quelquefois j'oublie tout, je me rappelle même pas de mon nom, des histoires comme ça, mais je remercie Jésus-Christ que je suis jamais sans lui et c'est lui qui me qualifie. He said, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Verse 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Amen. So somebody to say, we are confused, we don't know the truth. It means you don't even have relationship with Christ. Amen. If you have relationship with Christ, the Holy Spirit, if you know the Spirit of the Holy Spirit, if you embrace the Holy Spirit, he will reveal all the truth to you. Also zu sagen, dass du verwirrt bist und gar nicht weißt, wem du glauben sollst oder zwischen den Stühlen stehst, ist vollkommen außer Frage, weil wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du ganz genau, wo du zu stehen hast und was du zu glauben hast und was du nicht zu glauben hast, weil er der Geist der Wahrheit ist. Ici dans verset 13, il dit que quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité toute entière. Et ça veut dire que quand quelqu'un vient vers moi et me dit que moi je suis confus parce que je ne connais pas ceci, cela, ça me fait voir que vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ vous-même. Vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que ça n'a pas, c'est contredit, ça n'a pas de sens de dire que j'ai le Saint-Esprit, j'ai la relation avec Jésus-Christ et n'est pas capable de comprendre ce que lui va te dire. And that's why if you are telling me, you know, somebody said it some time ago, we don't even know the truth again, this one is preaching, I said you don't know the truth. That you are telling me who you are. That you don't. I thought you are a child of God. That you have the power of the Holy Spirit. Why don't you go to the Holy Spirit and let Him reveal? You know, look at what Jesus said here. He said, "Howbeit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come." Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Ah. Es wird also kein Raum für Verwirrtheit oder für Ahnungslosigkeit geben, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wenn du mir sagst, du bist verwirrt, wenn du mir sagst, du hast keine Ahnung, was du zu tun hast, dann muss ich leider in Frage stellen, ob du wirklich den Heiligen Geist empfangen hast, nachdem du wiedergeboren worden bist. Hast du die Taufe des Heiligen Geistes? Hast du eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Weil er ist der Geist der Wahrheit, der dir alles beibringen wird, wenn du ihn bittest. Et il y a des années passées, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit que oui, je ne connais pas. Il y a beaucoup de religions disent n'importe quoi. Celui dit ça, l'autre dit ça. Donc je ne sais pas quoi croire. Je suis confus. Et là, elle dit que là, la personne s'est révélée parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Il te conduit, il dit seulement ce que le Père lui a annoncé de dire. Et si tu n'es pas capable à trier la vérité de mensonge de dans les religions, là tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est clair. Praise the Lord. Alléluia. Amen. He said he will not speak of himself. It is not. Do you know the meaning of that very place? Er wird nicht von sich selbst sprechen. Wisst ihr, was das bedeutet? Il a dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Est-ce que tu sais la signification? It means you cannot separate Christ and the Holy Spirit. Amen. Das heißt, du kannst Christus nicht vom Heiligen Geist trennen. Amen. Dit que tu peux pas séparer le Saint-Esprit de Jésus-Christ. It is not Christ without the Holy Spirit. It's not the Holy Spirit without Christ. Es ist nicht Christus ohne den Heiligen Geist. Es ist auch nicht der Heilige Geist ohne Christus. Et ce n'est jamais Jésus-Christ sans le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Amen. You know, people believe. You know, the Catholics. Some of them believe that Pope is their Holy Spirit. That is not. You know, you can see there's no Christ. Yeah, Jesus. Even that. No, you know, He knows everything before time. He said, "He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, and that he speak, and he will show you things to come. And your words matters, because the Holy Spirit is going to hear your words. He's going to hear your voice. You know, I'm coming, Shaka. If you speak death, then something's going to hear it. If you speak life, that is Christ. If speaking life is not speaking positive things. Daddy. If you speak life, the Holy Spirit is there to hear it. He hear your voice. When God, in Genesis 1, when God, He said, God saw darkness. He said, let there be light. The Holy Spirit heard something. I don't know if you get it. The Holy Spirit heard the voice of God. Once you speak, the Holy Spirit hears your voice. And that's why your words matter a lot. I don't know if somebody is getting it. Unsere Worte sind sehr wichtig, weil wenn wir tot sprechen, hören das die Dämonen und die arbeiten damit. Aber genauso, wenn wir Leben sprechen, hört es der Heilige Geist und er arbeitet damit. Und Leben zu sprechen bedeutet nicht positiv zu sprechen, sondern Leben zu sprechen bedeutet die Wahrheit zu sprechen. Wie zum Beispiel in 1. Mose, wo Gott Finsternis gesehen hat, aber gesprochen hat, es werde Licht. Und on doit faire vraiment attention à nos paroles, à nos mots, ce qu'on est en train de dire, parce que il y a ou le Saint-Esprit qui va travailler avec ce qu'on va dire, ou c'est le diable qui va travailler avec ça. C'est pour cela qu'il faut faire attention, on peut parler de la mort, hein, et le diable va aussi, on ouvre la porte pour le diable, ou on va parler de la vie, hein, et c'est le Saint-Esprit qui va travailler avec ça. Donc quand on parle, dès qu'on parle, c'est le Saint-Esprit, il travaille avec ce qu'on dit. Et c'est pour cela qu'on dit, on voit aussi même en Genèse, il est écrit que Dieu a dit, il a dit que quand il a vu qu'il était sombre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais comment la lumière fut? C'est parce que le Saint-Esprit aussi l'a écouté. Donc il écoute et puis ça se manifeste. Praise the Lord. Amen. Se blesse and curse not. Wir sollen segnen und nicht verfluchen. Il a dit qu'on doit bénir, on ne va pas maudire. And here also means that He said, but whatsoever he shall hear, he's going to hear the voice. You know, he's going to reveal Jesus Christ to you. He will hear Jesus. That's why nothing, you can not separate him from Jesus Christ, that's the Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. You understand me? He hear of the Father and reveal it to you. You speak, he hears. Then he also hear of the Father and reveal it to you. It's what Jesus died for that you are going to have. You are not going to have what he did not die for. That is why faith does not move God. Faith moves you. Amen. You know, if faith moves God, if you are going to steal, you will believe and faith will move God to give you what the stolen things. Thief. Und was halt auch wichtig ist, dass es einfach schön ist zu erkennen, dass Jesus schon bevor die Dinge passieren, schon weiß, dass es passiert. Weil deswegen hat er auch klar gemacht, dass der Heilige Geist nur von sich selbst sprechen wird, von Jesus Christus sprechen und verkündigen wird. Weil es gibt Menschen, die glauben, dass der Papst beispielsweise der Heilige Geist ist. Aber das ist nicht wahrhaftig, dass Mohammed der Heilige Geist ist. Aber das ist teuflisch und das ist eine Unwahrheit. Weil ganz klar steht, dass der Heilige Geist nur von Christus verkündigen wird. Und was auch wichtig ist zu erkennen, ist, dass Gerne. Ja, en effet, elle a expliqué que le Saint-Esprit va toujours seulement parler de ce que lui-même il a attendu du Père. Il ne va jamais te dire quelque chose que laquelle Jésus-Christ n'est pas mort pour ça. Donc, il parle toujours de la vérité parce qu'il y a comme Dieu lui-même, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Et ici, en verset 13, ça nous fait voir aussi qu'il va révéler. Donc, tu parles, il écoute de son Père et puis il te révèle. Donc, c'est quelque chose, c'est une interaction, comment on appelle ça? C'est comme ça qu'on appelle? Oui, yeah, interaction. C'est ça qu'il te dit seulement ce que son Père te lui dit et il te le révèle. En fait, ja. Und weil der Heilige Geist eben nur das offenbaren kann, was von Christus ist, wird er halt auch das, was von Christus ist, hören und damit arbeiten. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Unser Glaube bewegt nicht Gott, sondern unser Glaube bewegt uns dazu, auf Christus zu schauen und das zu wollen, was er will und das zu hassen, was er hasst. Weil sonst könnte man aus Glauben heraus Gott dazu zwingen, einen im Bösen zu unterstützen. Beispielsweise einen zu unterstützen, zu stehlen oder zu töten, weil man so krass daran geglaubt hat, dass Gott einem dann hilft, das zu tun. Ja. Et c'est pour cela, notre foi, ça nous aide, ça n'aide pas Dieu, ça nous aide nous-mêmes dans nos cœurs. Parce que si notre foi était capable de travailler, de diriger Dieu, là, on allait même croire quelque chose de mauvais. Et croire ça, avoir cette foi fermement dans notre cœur, mais c'est quelque chose de mauvais. Et Dieu allait même commencer à tuer les gens pour nous. Là, ça n'existe pas. Ça signifie que, et c'est à travers ça, on voit que c'est la foi qu'on a en Jésus-Christ. C'est à travers ça que le Saint-Esprit travaille avec et ça nous, ça nous rend matures devant lui, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, and he will show you things to come. Und wird euch zukünftiges vorhersagen. Et il va vous annoncer ce qui va venir. The Holy Spirit is our Google. Der Heilige Geist ist unsere Suchmaschine. Oui, wir sind die notre Google. Amen. Amen. If you want to know things to come, go to the Holy Spirit. He said, we show you things to come. Was auf dich zukommt, wird es dir offenbaren. Amen. Si tu veux savoir ce qui va t'arriver à l'avenir, va seulement chez le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est capable de te le révéler. That's why we know what is coming tomorrow, next year, 2 years, then 10 years, then 20 years. Amen. Why? Because we have Jesus. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. And through the power of the Holy Spirit, we know that Jesus is the same. Amen. Today. Amen. You know nothing can change it. Amen. Jesus himself said it. He said, I am the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. And we, through the power of the Holy Spirit, we know the future. Amen. Our future. If your future is Christ today, it's tomorrow. Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Und diese Zukunft, die der Heilige Geist uns offenbart, ist diese Tatsache, dass wir Christus immer haben, dass wir ihn heute haben, dass wir ihn morgen haben, auch für immer haben. Es geht nicht um die Zukunft zu wissen, Bankkontonummer von irgendwelchen Leuten oder diese komischen Sachen, die Pastoren machen mit dem Heiligen Geist, um Leute zu beeindrucken, sondern es geht um die Tatsache, dass man eine Beziehung hat mit Jesus Christus, die auf ewig ist, dass man auf ewig mit Christus verbunden ist. Und diese Wahrheit offenbart dir der Heilige Geist und deswegen weißt du, was deine Zukunft ist, weil deine Zukunft eben Jesus Christus ist. Et c'est pour cela aussi, nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on sait ce qui va arriver demain et à l'éternité. On connaît la vérité parce qu'on a le Saint-Esprit et Jésus-Christ, lui, il est hier, aujourd'hui et demain, pour l'éternité. La Bible dit qu'il est le même. Et c'est pour cela, on sait aussi que lui, dans notre vie, quand on continue avec la relation avec lui, il est le même demain et pour l'éternité. Et c'est lui qui est notre futur. Et on sait de quoi il est capable. Donc, on comprend à travers la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est notre vie et qui est notre victoire, en fait. Et c'est ça, notre vie. Praise the Lord. In verse 14, he said, he shall glorify me. The Holy Spirit glorified Jesus. Der Heilige Geist. And not Muhammad, and not Paul, and not Il ne va pas glorifier le pape ou bien Mohamed, il va glorifier la gloire de Dieu, même pas Marie. Amen. Auch nicht Maria. For he shall receive of mine and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. Can you see that without the Holy Spirit you can never know Jesus? Und deswegen erkennen wir, dass ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht erkennen. Aber Leute versuchen ihn auszuklammern, versuchen ihn wegzunehmen, aber sie erkennen nicht, dass sie damit sozusagen die Weisheit Gottes verweigern. Et dans le même verset 13, on voit ici, il a dit, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ça signifie que sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de comprendre le Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent toujours diviser Jésus-Christ du Saint-Esprit. Ils sont en train de diviser Jésus-Christ de sa propre sagesse. Et ça n'a pas de sens. Ça nous fait voir qu'on a vraiment besoin de lui. We read 1 Peter 1, verse 22, where he said that Christ, the truth, purify us. And not Moses. Moses' words cannot purify you. Wir waren in 1. Petrus, wo wir gelesen haben, dass nur die Wahrheit uns reinigt, aber nicht das Gesetz von Mose. Das kann uns niemals reinigen. On a lu à 1 Pierre 1, 22, que c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ lui-même qui va nous purifier, et pas les commandements de Moïse. Ça ne va jamais nous purifier. Obeying the Ten Commandments cannot purify you. Den 10 Geboten gehorchen würde ich nicht reinigen können. Même obéir les 10 commandements, ça va pas te purifier. It is believing Christ that purifies you. Christus an Christus zu glauben, das reinigt uns. Il s'agit de croire en Jésus-Christ, c'est ça qui nous purifie. Go to John 1, please. Johannes 1. Jean 1. John 1, verse 17. Johannes 1, 17. Jean 1, 17. John 1, 17. Are we there, please? Amen. Amen. He said, for the law was given by Moses. You see, Moses' law can never purify das you. Gesetz can not clean you. Von Mose kann dich niemals reinigen. Es zeigt einfach nur deine Unreinheit auf, aber es kann dich nicht reinigen. Jean 1 disait, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse. Though it's coming from God. Es kommt von Gott. Même si ça venait de Dieu. Amen. Amen. It cannot clean you. Aber es kann dich nicht reinigen. Ça peut pas te purifier. It's like the food they ate from manna. When the food are fed for years. Amen. He said, you eat it, but you will still die. But if you eat me, you will not die. Amen. The same food, the food is coming from the yes, coming from the same place. But Amen. Genau praise the Lord. Als Jesus gesagt hat, das Brot, was ihr vom Himmel bekommen habt, dieses Manna, hat euch vielleicht satt gemacht, aber ihr seid irgendwann dann doch gestorben. Aber ich bin das lebendige Brot, was auch aus dem Himmel kommt. Und wer von mir ist, wird niemals sterben. Es ist der gleiche Himmel, aber es ist ein anderes Bündnis, ein anderes Brot sozusagen. Même si on voit le pain que Dieu a fait descendre du ciel pour les enfants d'Israël. Ils ont mangé ça, mais ils sont morts. Hein? Mais Jésus-Christ, il a dit que moi aussi, je suis le pain qui vient du ciel. Si vous me mangez, vous n'allez pas mourir. Donc, c'est le même ciel. C'est comme ici, cette loi, c'est la même loi qui venait aussi du ciel, comme le même pain pour les enfants d'Israël qui venait aussi du même ciel. Mais l'autre avait un autre effet et l'autre a aussi un autre effet. You know, he said, if you eat that food, if you eat that food, you will die. But if you eat me, you will not die. Do you know the meaning of that? If you, you know, if you obey Moses' law, you will go to hell. But obey me, believe in me, that's where you make heaven. Wenn er sagt, dass wenn du vom irdischen Brot isst, von diesem himmlischen Brot, wenn du davon isst, stirbst du. Aber wenn du von mir isst, wirst du niemals sterben. Damit sagt er, dass wenn wir versuchen, diese Gebote zu halten, werden wir trotzdem irgendwann sterben, weil diese Gebote uns niemals hundertprozentig reinmachen können. Weil der Herr ja hundertprozentige Reinheit verlangt. Aber wenn wir uns auf Christus verlangen, auf Christus verlassen und auf seine Gerechtigkeit schauen, sind wir 100% rein, weil wir auf seine Gerechtigkeit schauen. Amen, amen. Donc on voit ici, malgré il s'agit des mêmes choses qui viennent du même ciel, il y a deux différentes alliances dans ça. Parce qu'avec l'alliance de Moïse, de la loi, c'est comme l'alliance de ce pain qui était venu du ciel. Tu vas mourir, tu vas toujours continuer à mourir. C'est comme ça aussi avec la loi de Moïse. Tu peux essayer de faire avec ta force, essayer de l'obéir, mais il y aura un temps, tu vas mentir. Il y aura un temps, tu vas briser un de ces lois et ça va aussi t'emmener à la mort. Mais tandis que l'alliance avec Jésus-Christ, n'importe qu'est-ce que tu vas faire, vu que ta concentration c'est lui, ça va te sauver la vie et ça c'est pour l'éternité. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. You see it there? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. In John 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14:6. Amen. Et bah, dans Jean 14:6, Jésus dit que c'est moi le chemin, la vie et la vérité. En Romains 7, verset 6, said, we are delivered from the law. Wir sind erlöst vom Gesetz. He said, we are delivered from Moses' law. If you come to Christ, let us go there because Romains 7, verset 6. 7, verset 6. Romains 7, verset 6. He said, but now are we delivered from the law, that be dead herein we be ahead, that we should serve in newness Six. Of spirit, and not in the oldness of the latter. Do you get it? Amen. Amen. We have, if you come to Christ, he will deliver you from the law. Wenn wir zu Christus kommen, wird er uns erretten, erlösen von dem Gesetz. Ici, il dit que dès qu'on vient vers Jésus-Christ, il nous a libérés du régime de la loi et de la mort. Amen. Amen. In Galatians 1, we will not go there. Verse Galatians 5:1. He said, remain in Christ. Remain in Christ's freedom. And he called Moses' law bondage at the end of it. Amen. That verse. Amen. Amen. Remain in Christ's freedom. Er hat am Ende so gesagt, dass das Gesetz von Mose Gefangenschaft ist. Il a dit qu'on doit rester dans la liberté de Jésus-Christ et que la loi de Moïse, c'est un esclavagisme. And in John 8, verse 32, he said, the truth is freedom. Die Wahrheit ist Freiheit. Amen. Dans Jean 8, il a dit que la vérité, c'est la liberté. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Christ is freedom. Christus ist Freiheit. Jésus-Christ est notre liberté. The laws of liberty free us from the laws of bondage. Liberty means freedom. Denn das Gesetz der Freiheit hat uns frei gemacht von dem Gesetz des Todes und der Sünde. La loi de la liberté nous a libéré de la loi de l'esclavagisme. Again, please, we don't work by experience. Let us look at Peter. Nochmal, wir lernen nicht durch Erfahrungen. Et je vous le rappelle, on n'apprend pas par look at Peter when you. You know, I thank God he did not work by experience. Ich danke Gott, dass er nicht durch Erfahrung gearbeitet hat. Luke 5, go to Luke 5. Lukas 5. On va lire Luke 5, on va voir comment Pierre could have not believed Jesus and act on it. Sonst hätte er Jesus nicht geglaubt und danach gehandelt. I'll quickly read, amen. Amen. Luke 5 from verse 3. Lukas 5, Vers 3. Luke 5, verset 3. He said, and he entered into one of the ships, which was Simon's. I prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. He was a teacher. Er war ein Lehrer. He taught them. Jesus war ein Lehrer. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep. And let down your nets for a draught. You see that? Amen? Amen. Then, you know, here Samuel wants to give him. Samuel started talking about his experience. What he experienced all through the night. Are you getting something? Simon. Und Simon antwortete und wollte darüber sprechen, dass, ey, wir haben die ganze Nacht gekämpft und es hat nichts gebracht, ja. Ici, Simon voulait dire qu'on a essayé de. De pêcher toute la nuit, mais on a rien eu. They experienced things, the flesh. Ils ont la flesh erfahren. Amen. Ils ont expérimenté la experience. Walk by Christ. Aber wandle und handle nicht nach dem, was du erfahren hast, sondern wandle und handle nach Christus. Ils ont expérimenté la chair, par exemple. He might even tell you to do the same job. Aber vielleicht wird er sogar sagen. Amen. That is no longer under the flesh, but under the spirit. Aber es ist nicht mehr unter dem Fleisch, sondern unter dem Geist jetzt. Il est même capable de dire, fais le même travail encore une fois. Mais cette fois, quand c'est lui qui t'envoie, c'est plus dans la chair, mais c'est par l'esprit que tu vas faire. Amen. It might be, you know, before you became a child of God, you wanted to be a doctor. And now you are now a child of God. You submit everything to him. He might even still want you to be that doctor. Amen. But that the old doctor, the one you wanted to be and the one he wants you to be are two different things. Amen. He is in charge of the one he wants you to be. Amen. The other one, you were in charge of it. Amen. But it's still not, can you see the same doctor? Es kann sein, dass du, bevor du wiedergeboren wurdest, eine Beziehung mit Jesus Christus hattest, schon den Wunsch hattest und das Ziel hattest, Arzt zu werden. Und jetzt bist du zu Christus gekommen und jetzt legst du ihm all deine Wünsche und all deine Ziele vor die Füße. Und er entscheidet dennoch, dass du weiterhin dieses Studium anstreben sollst, weiterhin also dass er möchte, dass du Arzt wirst, aber dieses Mal nicht im Fleisch, wie es vorher war. Diesmal hast du dich nicht selbst geschickt, sondern diesmal schickt er dich. Deswegen rüstet er dich aus, stattet er dich aus und er ist bei dir. Du hast seine Gegenwart jetzt und nicht wie damals, wo du dich selbst geführt hast, wo der Teufel dein Meister war, wo der Teufel dein Antrieb war. Par exemple, quand par exemple avant d'être né de nouveau, tu voulais être un docteur, par exemple. Et une fois venu vers Jésus-Christ, tu l'as tout soumis, même ta vie, même tous tes désirs. Et lui te dit aussi que tu dois continuer à faire ce travail, que tu dois continuer à être un docteur, par exemple. Et à travers là, vu que tu l'as soumis tout, c'est un autre travail, c'est plus comme avant, parce que maintenant là, tu te fais diriger par lui, c'est lui qui te l'a dit, c'est lui qui te l'a envoyé, tu travailles ce travail avec sa puissance, c'est pas comme avant, quand tu étais maître de toi-même, mais maintenant tu le fais parce que c'est lui qui est ton professeur, c'est lui qui t'apprend. Praise the Lord. You know, people think that when you come to Christ, he just take everything. Yes, he will take things that are evil away from you. Amen. Amen. Amen. But he will not, you know, you will not lack any good. What he called good. What is coming from him is what he desires for you. Amen. Amen. Amen. It's like, you know, we just talked about, you just explained something. Look, if you look at Moses' rod, if you love something, give it to Jesus. Whatever you love, submit it to him. Mm-hmm. If you know, Moses, the same rod. You know, that rod was natural rod. But you know, God says, submit it to me. And he gave it to him. And when he now returned it, that rod was now, you know, divide the sea that they could walk on dry ground. That rod brought out water from the rock. That rod, you know, that is why, you know, everything here, whatever you have, he wants you to submit them to him. Your wife, your marriage, your husband, everything. Let Christ be the head of everything. Amen. And see how everything work out perfectly and according to his will for you. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass Jesus Christus, wenn du zu Jesus Christus kommst, wird er dir nicht einfach alles nehmen, sondern er wird dir das alles Teuflische, alles Böse wird er dir wegnehmen. Aber er wird auch Dinge... Er wird die Dinge nehmen und sie verwandeln und zu seinem Guten machen. Und das sehen wir auch bei der Geschichte von Mose, als Gott zu ihm gesagt hat, gib mir diesen Stab. Und er hat Gott seinem diesen Stab gegeben und er kam und er hat den Stab zurückbekommen. Aber es war dann nicht mehr sein eigener Stab, der Stab von Mose, sondern es war dann Gottes Stab, der dann halt übernatürlich war und nicht mehr natürlich war wie vorher. Amen. Und so ist es auch mit anderen Dingen. Wenn wir etwas lieben, wenn wir etwas wirklich lieben, dann sollen wir es dem Herrn übergeben, damit er es zu seinem Guten nutzen kann, damit er es verwandeln kann, damit er es übernatürlich machen kann. Wir sollen uns nicht daran klammern, sondern uns es ihm vorenthalten. Und wir sollen ihm alles übergeben, von Ehe bis Beruf bis Gegenstände, alles. Quelquefois, les gens pensent que dès que j'arrive vers Jésus-Christ, il va prendre tout de moi, donc il va me donner quelque chose de nouveau et je dois tout laisser ce que j'aime, je dois tout abandonner. Mais ce n'est pas vraiment vrai parce que oui, il va le faire, mais il va te le redonner quelque chose qui est mieux ou bien la même chose mais surnaturel, dans une meilleure... dans un meilleur sens. Par exemple, on voit aussi dans l'exemple de Moïse, par exemple, il avait un bâton et Dieu lui a dit, donne-moi ce bâton. Et il a donné le bâton à Dieu et Dieu lui a redonné le même bâton, mais il a fait ce que le bâton soit surnaturel. Parce qu'à travers ce bâton qui était devenu surnaturel, il a même été capable de diviser la mer en deux. Donc, ce qui est précieux pour toi, tu dois le soumettre à Dieu. Et lui faire confiance que oui, il va changer ça sûrement, ça sera pas la même chose que toi tu aimais, mais ça sera mieux ou bien va te donner quelque chose autre qui est aussi mieux que ça. Ou même s'il te donne même la même chose, la même chose là va devenir aussi mieux parce que c'est lui qui est au contrôle de la chose. Même par exemple nos mariages, nos relations, nos parents, donc faut toujours apprendre à le soumettre à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. He said, launch out into the deep and let down your net for a drought. He wants you to give him everything. Obey his voice. Er hat gesagt, fahrt nochmal hinaus, macht es nochmal, gehorcht seiner Stimme. Ici, il a dit aux disciples de ressortir et de partir encore, d'essayer encore de prendre des poissons. Donc la même chose. Et vous avez vu, tout d'un coup, il y avait aussi des poissons qui étaient venus dans le truc là. Oui, merci. Et ça veut dire qu'on ne doit pas laisser nos expériences nous guider. Donc on doit l'obéir seulement sa voix. Donc on doit l'obéir, pas nos expériences. Lasse dich von alten Erfahrungen nicht entmutigen. On ne doit pas être découragé. It's like some people, once they have experienced evil things in the church, when they now go to a living church, they cannot leave it, they cannot be there. Because, you know, here, something. Peter experienced something at night. Let us read the verse 5. And Simon answered, said unto him, Master, we have toiled at the night and have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Mm-hmm. You can see their experience. You know, a lot of us, because of what we experience, we cannot believe Christ. Yeah. Und wir sehen hier ganz klar, dass Simon Petrus eine lange Nacht anscheinend hinter sich hatte. Er hat die ganze Zeit gearbeitet und es hat nicht geklappt. Und er wollte aufgeben, weil er gesehen hat, dass es nicht geklappt hat. Und oft durch die Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, sorgt das dafür, dass wir uns dann wieder, dann wenn es dann halt wieder darauf ankommt, sich für Christus zu entscheiden, uns dagegen entscheiden, weil unsere schlechten Erfahrungen der Vergangenheit uns davon hindern, dem Herrn zu gehorchen. Und das sehen wir halt auch bei Menschen, die halt die sehr oft von Gemeinden enttäuscht worden sind und deswegen nicht mehr bereit sind, in eine lebendige Gemeinde zu gehen, weil sie dann diese Erfahrung, sich von der Erfahrung leiten lassen, nicht vom Heiligen Geist, der vielleicht sagt, dass sie in dieser Gemeinde sein sollen. Par exemple, il y a des gens qui ont été dans des églises religieuses ou bien dans des églises mortes, ils ont eu une mauvaise expérience et puis quand ils vont trouver une nouvelle église, une église vivante, ils vont dire, ah, on a déjà eu des mauvaises expériences avec les églises, c'est pour cela qu'on préfère de rester à la maison, des histoires comme ça. Mais on remercie Dieu, par exemple, pour Simon, comme dans la Bible. Lui, par exemple, la Bible dit qu'il il péchait toute la nuit, il a essayé toute la nuit. Mais quand Jésus lui a dit, fais ça encore une fois, il pouvait même dire, je suis fatigué maintenant, j'ai déjà fait ça toute la nuit et maintenant toi tu viens me dire fais ça seulement une fois et... mais il n'a pas discuté, il a fait ça une fois et là il a le résultat et on doit être comme lui, on doit lui faire confiance. Praise the Lord. Amen. The past experience never help us to forgive and forget. Und das Traurige ist auch, dass die vergangenen Erfahrungen auch dafür sorgen, dass wir nicht vergessen und auch nicht vergeben. Parce que nos expériences passées ça va pas nous aider à oublier le passé. We walk by the truth. Et pardonner aussi. We walk by the truth and not by experience. Deswegen wandeln wir ja nach der Wahrheit, nicht nach Erfahrungen. C'est pour cela nous on marche selon la vérité et pas selon l'expérience. Amen. I thank God that Peter believed Jesus and not experience. Gott, dass Simon Petrus an dass er Jesus geglaubt hat und nicht seine Erfahrung geglaubt hat. Et je remercie Jésus-Christ parce que Simon Pierre il a cru en Jésus-Christ et pas il n'a pas cru à ses expériences. Praise the Lord. Amen. If you read it yourself, you can see where what the victory at the end, the believing Christ and obeying His voice. Wenn man das weiterliest, sieht man, was dann dieses sich auf Christus verlassen gebracht hat, nämlich die Ergebnisse von Christus. Et si vous continuez à le lire, vous allez voir qu'est-ce qui signifie la victoire en Jésus-Christ, la victoire de croire en Jésus-Christ. There is the natural experience. Es gibt eine natürliche Erfahrung. Il y a une expérience naturelle. Die nicht von Christus ist. Qui n'est pas de Jésus-Christ. It is coming from the flesh. Sie kommt vom Fleisch. Ça vient de la chair. It is of the natural mind. Sie ist vom Verstand, natürlichem Verstand. Ça vient de, and not of Christ. Und nicht von Christus. De la mentalité naturelle. It is like positive thinking and so speaking. Wie positives Denken und Sprechen. C'est genre être pensée positive ou parler positif. We don't speak positive. Wir sprechen nicht positiv. Nous, on parle pas positif. We don't speak, we don't think positive, we don't speak positive. Wir denken auch nicht positiv. Nous, on pense pas positif, on pense pas aussi positif. Amen. Amen. Faut comprendre la différence. Speak Christ. Wir denken Christus. Wir Example Christus. Is Matthew 18. Matthieu 16. On pense Jésus-Christ, on parle aussi Jésus-Christ. On va voir par exemple Amen. De Matthieu 16. Amen. Amen. We are, you know, because of our brothers and sisters that are here, go to Matthieu 16. Matthieu 16. On va le relire aujourd'hui encore, Matthieu 16. Amen. Amen. Peter spoke positively. Petrus hat positiv gesprochen. But Jesus rebuked him. Aber Jesus hat ihn verweigert. Ich bin Pierre positivement, mais you better be clever. More than Satan. Sei lieber George schlauer als der Teufel. Richte nach der Wahrheit. On doit être plus intelligent que le diable. On doit juger à travers la vérité. Because Satan is so clever. Der Teufel ist sehr gerissen. Parce que le diable, il est rusé. He will use what people call good, what people call, you know. You will be deceived. The churches today, they have been deceived. Du wirst in die Irre geführt. Viele Gemeinden werden in die Irre geführt, weil sie nicht richten können. Sie richten nicht gerecht. Et si, si tu n'apprends pas à juger par la, à travers la vérité, tu seras confus. Praise the Lord. Alléluia. From verse, because of time, from verse 21. 21. Verset 21. Matthieu 16, verset 21. You know, the same, you know, if you read here, it will help you to know how clever Satan is. You know, you understand that. Wenn wir das lesen, hilft uns das zu zeigen, wie groß der Teufel ist. Si on le lit bien, on va comprendre comment le diable est rusé, comment il est intelligent. The Lord God spoke through Peter. The next minute Satan is speaking through him. Erstmal hat Gott durch Petrus gesprochen und sich ihm offenbart. Aber in der nächsten Sekunde spricht auf einmal der Teufel durch ihn. Und wer kann da erkennen jetzt, okay, war das von vorher von Christus oder was da das von nachher von Christus? War beides nicht von Christus? Le diable est en train de confondre les gens parce que dans une minute, c'est Dieu lui-même qui a parlé à travers Pierre. Et de l'autre minute, c'est le diable qui a parlé à travers lui. Et si tu n'as pas cette relation avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas reconnaître, mais tu vas te dire, mais dis donc, c'est qui dit la vérité maintenant? C'est qui dit le diable? You know, people will say, yeah. You just said God spoke through him. And in the next minute, you are saying Satan is speaking through him. How is that true? You know, that is why we have to discern. You judge all things, please. Deswegen, Leute, wir sagen, du hast gerade gesagt, dass der Heilige Geist gerade durch ihn gesprochen hat und eine Offenbarung hat gerade gesagt, die richtig krass war. Und jetzt im nächsten Moment verweigerst du ihn, weil das, was er gesagt hat, fleischlich ist und menschlich ist. Aber wie kannst du das unterscheiden? Not the next day. Es war nicht am nächsten Tag. Es war the next word. In der nächsten, im nächsten Satz. Wie kannst du was unterscheiden oder erkennen? Deswegen müssen wir entscheiden können, richten können. On doit vraiment apprendre à juger par l'esprit, parce que si on n'apprend pas à juger par l'esprit, on sera confus. Comme ici dans l'exemple de Pierre, on voit que Dieu a parlé une minute après, c'est le diable qui parle à travers la même personne. Si tu n'es pas de l'esprit, tu ne sais pas juger l'esprit, tu seras confus, tu vas te demander que je sais pas quoi. Praise the Lord. Hallelujah. And because of some of us, people, if you read it from 13, people were saying, he asked them, who do you think I am? And they were saying different things. Pastor, you are prophet, you are Jeremiah, you are Elijah. You know, then he asked the disciple, who do you? I asked, who do they think I am? But you. What about you? Because it's what you believe he is. What do you believe? Who do you believe I am? Und in Vers 13 lesen wir, dass er die Jünger gefragt hat, für wen halten mich andere Menschen? Und sie haben verschiedene Sachen gesagt, für einen Propheten, für einen Lehrer, für einen Gutmensch. Und dann hat er gesagt, okay, für wen haltet ihr mich? Weil es ist wichtig, was du über Jesus Christus glaubst, wie du Jesus Christus siehst. Und dann kam Simon Petrus ins Spiel, dass er wirklich wusste, wer er ist, dass er wirklich die Wahrheit über die Identität von Jesus Christus gesprochen hat, als einziger von allen. Ici, on voit même à partir de verset 13, on voit que Jésus-Christ qui les demandait, il les a interrogés, dit, qu'est-ce que vous pensez, qui je suis, qui suis-je? Et eux, ils ont dit, les disciples ont dit beaucoup de noms, et Élie est un prophète, et patati patata, ils ont tout, ils ont dit beaucoup d'histoires. Et lui, Pierre, était la seule personne à dire que toi, tu es le Messie. Et c'est Jésus-Christ qui dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc c'est le même chapitre, c'était à partir du verset 13. Amen. Amen. In verse 16, it said, and Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. Mm-hmm. And Jesus answered, verse 17, and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood. Do you get it? Yeah. Flesh and blood have not revealed it unto thee. Mm-hmm. Because flesh and blood reveal things, but they reveal life. Bei Fleisch und Blut können die Dinge auch offenbaren und zeigen, aber es sind Lügen, die sie dir zeigen. Amen. Ici, Jésus-Christ dit, après que Simon-Pierre puisse dire que tu es le Messie, il a dit, c'est Dieu qui te le révèle, et ce n'est pas la chair et le sang, parce que la chair et le sang, ça nous révèle aussi des histoires, mais il nous révèle les mensonges. Il dit, but my Father, which is in heaven, remember God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Erinnert euch, Amen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Rappelez-vous le Père, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Et lui ici dit que c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. And I say unto thee, that thou art Peter, and on, Upon this rock I rebuild my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Amen. Amen. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. We have the keys today. We have the Schlüssel. Amen. We have the keys. We have the Schlüssel. Amen. We have the keys. He's the Schlüssel. Hallelujah. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et nous, aujourd'hui, on a les clés du royaume des cieux. On est là maintenant. Praise the Lord. Amen. Amen. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Amen. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Amen. Amen. Then verse 20. They charge, you know, he just said something, that revelation. They, my father, you heard the voice of my father and you said it. Du hast you die Stimme meines Vaters something erkannt. Very beautiful. Du hast sie gehört, du hast sie erkannt minute, und ausgesprochen, aber in der nächsten Minute. And charge his disciples that they should tell no man that he was Jesus Christ. Verse 21, are we there, please? From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see positive thinking? Seht ihr das positive Denken und das positive Sprechen? That's not Christ. Das ist aber nicht Christus. Das ist vom Fleisch. Ist es menschlich? Ici on a lu que Pierre au chapitre avant, comme on a déjà dit, qu'il a reconnu, Dieu lui a dit que tu es heureux parce que tu as reconnu la voix de mon Père et tu l'as dit. Et c'est pour cela qu'il a dit, si tu as le clé de you will de know that. Dieu, et puis, you pas ce que okay, du royaume des cieux, et puis il a dit, à travers ça, Dieu, Jésus-Christ aussi a dit, sur cette pierre que tu bâtiras ma maison, c'est ça qu'il a dit ça. À la deuxième minute, lui ici, il dit, alors Pierre lui dit, que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc, il a dit ça après avoir dit la vérité. Ok, maman. Praise the Lord. Yeah. You will not die. You know who will say that is wrong? Wer würde sagen, dass das nicht falsch ist? Who will say that is coming from Satan? Dass das vom Teufel kommt? Yeah, not die. Everybody will say Amen. Wir würden sagen Amen. Halleluja. Pierre a dit, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Donc, naturellement, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tout le monde va dire Amen. Ça, c'est quelque chose de positif. C'est le bien de ce monde. Verse 23. Verset 23. Betty, learn to turn. Lerne dich zu wenden. Once you hear the voice of Satan, learn to turn. Wenn du die Stimme des Satans hörst, lerne dich zurückzudrehen und zu sprechen und zu verbannen. Mais Jésus se retourna et lui dit, donc apprends à te retourner vers Jésus-Christ. Yes. Dès que tu écoutes que le diable te dit quelque chose, retourne-toi vers lui. And he turned and said unto Peter, guard thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou severest not the things that be of God, but those that be of men. Is somebody getting something here? Yeah. Then said Jesus unto the disciple, if any man will come after me, you will hear positive thinking, positive speaking. Let him deny himself. It's not about the flesh, it's about Christ, it's about the Spirit. Amen. And take up his cross and follow me. For whosoever we save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The time has really gone. We're so close. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Please be Christ. Yeah. Yeah, en fait, ici, on voit que malgré Dieu a dit, Pierre a parlé, il a dit quelque chose de positif. C'est Dieu, Jésus-Christ, qui lui dit lui-même dans le même lit, arrière de moi, Satan. Il a jugé ce qu'il a dit, ce qui est charnellement, naturellement, c'est quelque chose de positif. Mais en esprit, c'était quelque chose de négatif, parce que s'il était mort, on n'allait pas être sauvé aujourd'hui. Donc, pour savoir qu'on doit vraiment apprendre à se retourner vers le diable et lui juger et lui mettre à sa place où il appartient. Okay. You know, Jesus coming is very important to us. Das Kommen von Jesus Christus ist für uns, für Kinder Gottes, sehr wichtig. Que Jésus-Christ est venu pour nous ici, c'était quelque chose de très important pour nous. And how he lived his life. when he came is very important. Und wie er sein Leben pour hier auf Erden gelebt hat, ist sehr wichtig für uns. Et comme il a vécu ici au monde, c'est aussi important pour nous de le voir et de le comprendre. And you know, he came as a son of God. And as a son of man. He came as a son, so that he will teach us how to live as a son of God. Amen. Denn er kam als Menschensohn, er kam auch als Mensch, als Sohn Gottes. Er kam als Sohn, damit er uns zeigt, wie wir als Söhne hier leben, nachdem er gegangen ist. So that after he has gone, that we can live like a son Amen. Of God. Amen. Malgré il est l'enfant de Dieu, il est venu comme enfant de l'homme pour nous apprendre à vivre comme un enfant de Dieu, mais charnel. Comme ça que même quand il va partir, nous aussi on va apprendre à vivre comme lui il a fait, il a été un exemple. So you learn how to know to live how he lives. Mm-hmm. What he hates, you hate it. Amen. What he loves, you love it. Das zu lieben, was er what he called things, you call them those things. So zu bezeichnen und zu benennen, wie er es bezeichnet. He came to teach us, to show us how to live this. Denn er hat uns gezeigt, wie wir hier the leben. Of the Holy Spirit. Die Zeit des Heiligen Geistes. Amen. En fait, il est venu vraiment pour nous apprendre ça, et nous aussi, on doit écouter, on doit apprendre à vivre comme lui, de détester ce qu'il a détesté, d'aimer ce qu'il a aimé. De juger les histoires comme lui aussi l'a jugé, comme ici on voit, il a jugé l'esprit. Et ça, on doit aussi apprendre à le faire comme lui l'a fait, parce qu'il nous préparait, il nous voulait le faire voir ça pour nous préparer, vivre dans le période de Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. If you look at, there was the period of the Father, there was the period of the Son. This period we are now, it's a blessed period. Amen. Because Jesus did not only come to save us, but he came to show us how to live. Amen. Amen. Es gab Amen. Die Zeit des Vaters, es gab die Zeit des Sohnes, als der Sohn physisch hier auf Erden war. Und jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes. Und das ist Schönes an Jesus. Er hat uns nicht nur errettet, er hat uns auch gezeigt, wie wir in Errettung leben, Amen. Durch die Kraft des Heiligen Amen. Geistes. Amen. Et on doit vraiment comprendre qu'il y a eu trois temps dans ce monde. Il y a eu le temps du Père, le temps de Jésus-Christ et le temps du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et la chose qui est vraiment merveilleuse de Jésus-Christ est qu'il n'est pas seulement venu pour nous sauver à travers sa vie, il est aussi venu nous faire voir comment vivre sa vie sur terre. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Now we will close with this very few places that we have. I'm going to quickly go through them and close. Amen. Bientôt, you know, have you heard these words? Don't worry, be happy. Have you heard it? Habt ihr schon mal dieses I've heard it from doctor. Sprichwort gehört? Mach dir keine Not Sorgen, worry, sondern freu dich. Est-ce que vous connaissez ce mot, cet adage qu'on dit? Les gens disent qu'il ne faut pas te soucier, il faut être heureux. Ich hab das oft von Ärzten gehört. Moi, j'ai écouté ça à travers les docteurs. Amen. Ich hab hier pas de soucier. Über was soll ich mich freuen? Amen. Because they believe that if you are happy, it helps you. It helps. They believe some people if they are happy. I know, something they call it the other day. How it helped them. You know, is that what we really want? Und sie glauben, dass diese Freude etwas in dir auslöst, was hilft deine Gesundheit zu fördern. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir suchen. J'ai entendu dire à travers les docteurs que quand tu es heureux malgré que tu es malade, quelque chose, ça va t'aider à vivre mieux, ça va te consoler, ça va te donner une force qui vient, je ne sais pas d'où. Mais on se demande, mais est-ce que c'est ça qu'on veut, nous, aujourd'hui? What gives you joy? Matters a lot. Was dir Freude gibt, was dir Freude schenkt, ist sehr wichtig. Ce qui te rend heureux, c'est vraiment important aujourd'hui. Is it the joy of the Lord or is the joy of the flesh? Ist es die Freude des Herrn oder die Freude des Fleisches? Est-ce que c'est la joie de ce monde ou c'est la joie de Dieu ou c'est la joie de ce monde? If you are not worried, it should be based on Christ and not on the flesh. Amen. Wenn du dir keine Sorgen und sorglos bist, sollte der Grund Jesus sein und nicht das Fleisch. Si tu n'as pas de soucis, ça doit être à cause de Jésus-Christ, pas à cause de la chair. If you are happy, it should be the joy of the Lord. Amen. And not the joy of the flesh. Amen. Wenn du happy bist, wenn du dich freust, sollte das wegen der Freude des Herrn sein, nicht wegen der Freude des Fleisches. Si tu es heureux, tu dois être heureux à cause de Jésus-Christ et pas heureux à cause de la chair. Amen. Amen. That they believe that if you are happy, he helps you to be healed, he helps you this, he helps you that. Christ is our helper. Aber Christ ist unser Helfer. Amen. The Holy Ghost is the Der Heilige Geist unser Helfer. Wir haben keine leere Freude. Unsere Amen. Unsere Sorglosigkeit ist nicht leer. Par exemple, eux, ils pensent que quand tu te réjouis seulement comme ça, sans ça va te guérir un peu, ça va t'aider à vivre un peu plus longtemps. Mais c'est pas ainsi chez nous les enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre soutien, c'est le Saint-Esprit qui est notre soutien. Donc notre joie, c'est ou quand on est heureux, ça vient pas de nulle part, ça vient du royaume des cieux en fait. It's not the joy I have a house, I have a car, I have children, I have money. It's the joy I am saved, I'm born again. Amen. I am a child of God. Amen. Es ist nicht die Freude, die leer ist, weil sie wie Luft ist, die einfach heute da ist und morgen weg ist. Die Freude über Besitz, über Leute, die heute da sind, morgen weg sind. Aber wir haben die Freude des Herrn, dass unsere Name im Himmel geschrieben Amen. Steht und das ist auf ewig. Amen. Et on sait pas, quand soit heureux, c'est pas basé sur les histoires charnelles de ce monde que j'ai une voiture, j'ai une grande maison, j'ai beaucoup d'argent, des enfants, parce que c'est une question de temps que ces histoires puissent être vanité. Mais notre joie, plutôt, ça doit être que notre nom est écrit au ciel, au royaume des cieux, qu'on appartient à Jésus-Christ, que lui, il vit en nous et le Saint-Esprit vit en nous. C'est ça notre joie. Yes, not if Satan cannot stay here. Can steal your children, can steal money, can steal everything. But the only thing you cannot steal is your salvation. Amen. Your name is written. Amen. That's that is where guarantee is. Amen. And that should be your joy that Satan cannot tamper with. Amen. If your joy is based on that, nothing, your joy is unshakable. Amen. Nothing can touch your joy, Amen. Your peace. Und der Teufel. Für alles ist für ihn greifbar. Alles, was auf dieser Welt ist, kann er angreifen, kann er zerstören. Auf all diesen Dingen kann man seine Fingerabdrücke sehen, aber auf dem, was von Jesus Christus ist, das ist unantastbar, das ist unerreichbar für ihn. Und es, weil es ewig ist, weil es Christus selbst ist. Und deswegen soll unsere Freude auch auf diesem ewigen, auf diesem himmlischen, auf diesem unantastbaren liegen. Und nicht auf das, was vergänglich ist und was der Teufel jederzeit, wie er lustig ist, angreifen und wegnehmen kann. Dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde que le diable ne peut pas voler, ne peut pas détruire, parce que la Bible dit qu'il est là pour détruire, pour tuer, pour faire ce qu'il aime faire. Il n'y a rien de ce monde que le diable ne peut pas toucher. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas toucher, c'est Jésus-Christ en nous. Et ça signifie que si on est heureux à cause de Jésus-Christ, si notre satisfaction est Jésus-Christ, et c'est une satisfaction qui va durer pour toujours. C'est une chose éternelle. Parce que là, c'est le diable, il n'a pas, ne peut pas le toucher. Et dès que ta satisfaction est Jésus-Christ, là, tu es heureux pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The last is those in the flesh can never trust those in the spirit. Die im Fleisch sind, können die im Geist nicht vertrauen. Amen. Those in the flesh can never trust those in the spirit. Die im Fleisch sind, because they cannot understand it. Können die im Geist sind nicht verstehen, weil sie nicht verstehen. If they said they cannot trust you, don't worry. Because if they are in the spirit, they will trust you. Weil wenn sie im Geist sind, werden sie dir vertrauen können. Ceux qui sont de la chair, les gens qui sont naturels, ne peuvent pas faire confiance aux gens qui sont spirituels. Si eux te disent aujourd'hui que Tania ou bien je sais pas comment vous appelez vous tous là, il te dit non, il te dit écoute je te fais pas confiance. C'est normal parce que toi tu as un esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Amen. Et eux ils peuvent pas te comprendre parce que la chair et l'esprit ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. We cannot trust them. Wir können ihnen auch nicht vertrauen. Amen. Amen. They know we cannot. They cannot trust us because they know that we cannot love what they love. They cannot bring us to their standard. Amen. Amen. And also we cannot trust them because they refuse to choose Christ. Amen. You get it? It's both sides. Sie können uns nicht vertrauen, weil wir uns weigern, auf ihr Niveau hinunterzugehen, was fleischlich ist. Und genauso können wir ihnen nicht vertrauen, weil sie sich ständig für das Fleisch entscheiden. Und gegen Jesus Christus und wir deswegen mit ihnen da nicht eins sein können. Et nous aussi non plus, on ne peut pas aussi leur faire confiance parce qu'eux, ils ne choisissent pas Jésus-Christ. Nous, on fait seulement confiance en Jésus-Christ et on fait confiance en Jésus-Christ à travers nos frères et sœurs. Mais si eux, ils ne choisissent pas Jésus-Christ, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils vont toujours vouloir nous rabaisser à leur standard et leur standard, ça n'a pas de sens avec le nôtre. Donc, c'est quelque chose... c'est aussi en envers, aussi c'est la même chose, on ne peut pas les faire confiance. Those in the flesh can never trust us because they know that we cannot join them in their evil ways. die im Fleisch sind, können uns nicht vertrauen, weil sie wissen, dass wir ihre fleischlichen Wege nicht unterstützen können. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas nous faire confiance parce qu'ils savent aussi que nous, on ne va pas leur rejouir ou bien rejoindre dans ceux qui sont en train de faire dans le mal. You know, on va pas les suivre. They know that we cannot support them in evil ways. We cannot be there for them in their evil ways. Wir können sie in ihren fleischlichen Wegen nicht anfeuern. Ils savent aussi qu'on peut pas leur soutenir, on va pas leur dire bravo dans leur mode de vivre qui est démoniaque. You know, as you are calling Satan evil, that's how he is calling you evil. Und das Lustige ist, genauso wie wir den Satan als bösartig erklären, erklärt der Teufel uns als bösartig. Et c'est qui est rigolé que la même manière que nous on appelle le diable démoniaque, et c'est la même chose que lui aussi nous appelle que on est quelqu'un de, nous sommes des mâles, nous sommes quelque chose, des gens qui sont mauvais en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because they hate light. Weil sie das Licht hassen und in der Dunkelheit und die Dunkelheit lieben, deswegen bleiben sie in der Dunkelheit und meiden das Licht. C'est aussi écrit dans Jean parce que eux ils aiment l'obscurité et nous sommes la lumière et quand quelque chose qui veut être resté dans le sombre voit la lumière, ça leur fait mal, ça les fait mal à l'aise. Please beware of those you move with. Deswegen nimm dich in Acht vor den Leuten, mit denen du Zeit verbringst. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec qui tu. You know, if you wear a white dress, beautiful dress, your, let me say, wedding dress, you will not sit down anywhere, potter, you know, even before you sit down, you look at everywhere, you know, because you know what you are wearing. Amen. That's the Christ in you. Amen. You value it, yes. Amen. Und genauso, dass wenn du ein weißes Hochzeitskleid anhast oder einen richtig nice weißen Smoking anhast und du dich auf eine dreckige Parkbank setzen sollst, dann guckst du auch erstmal 4- und 5-mal, ob alles in Ordnung ist. Okay, ist dieser Fleck getrocknet oder ist er noch nass? Also du guckst die ganze Zeit, bevor du dich hinsetzt, weil du weißt, was du anhast. Und so ist es auch mit Christus. Wir wissen, dass wir Christus anhaben, den neuen Menschen anhaben. Deswegen setzen wir uns nicht überall hin. Amen. Und das muss man wirklich attention, parce que c'est comme si tu as une, tu t'es mis une robe ou bien quelque chose de blanc qui est très bon, très bien là. Et avant de t'asseoir quelque part, tu vas pas t'asseoir dans une bouillie par exemple. Tu vas regarder 1000 fois est-ce que c'est bien, c'est propre, je veux pas me salir. Et c'est comme ça qu'on doit aussi prendre soin de notre Jésus-Christ en nous, parce que il est propre en fait. On doit pas le salir, on doit faire attention, on doit le garder vraiment jalousement. You know, Satan knows that he cannot come to you directly, but he will come through people you value. Their words, you value their, you know, you value them. He will go through them and do and stick in and destroy your joy, your peace, your health. That's the job. That's why Satan is very tough. He knows that once he comes to you, that it's like shit. If you poison shit, nobody will die. But if you poison biscuits, people will die. Because people eat biscuits, they don't eat shit. Yeah. Und genauso ist auch mit dem Teufel. Er ist schlau, er weiß, was du magst, er weiß, wem du vertraust, er weiß, wo du dich wohlfühlst. Und durch diese Leute, durch diese Umgebung wird er zu dir sprechen. Wenn man Mist vergiftet, wird niemand sterben, weil niemand isst Mist. Aber wenn du leckere Kekse vergiftest, werden viele Leute sterben, weil viele Leute essen gerne leckere Kekse. Und so vergiftet er die Gemeinde, vergiftet er Kinder Gottes. Par exemple, quand on doit faire attention avec qui on va, on est en train de prendre notre temps avec nos bien-aimés, parce que le diable, lui, il est vraiment rusé. Il ne vient pas directement parce qu'il sait que s'il vient directement à yeux ouverts comme ça, on ne sera pas surpris. Mais il travaille à travers nos bien-aimés, il vient de gauche à droite pour nous tenter, parce qu'il sait que c'est là où notre cœur aussi est, qu'on est bien avec ces gens ici. C'est aussi la même chose avec l'exemple qu'elle vient de donner avec nos salités, par exemple, salités ou bien des poubelles. Si tu empoisonnes une poubelle, par exemple, personne ne s'intéresse à une poubelle. Personne ne va manger une poubelle parce que la poubelle, c'est de la poubelle. Mais si tu empoisonnes un gâteau, par exemple, là, les gens vont manger ça. Et c'est comme ça que le diable, lui, travaille. Il empoisonne les églises. Il est en train d'utiliser les gens que tu aimes pour t'atteindre. Il ne vient pas droit. Il vient de gauche ou de droite. If you are radical for Christ, he chooses your friend for you. Amen. Wenn du radikal bist für Christus, wählt er deine Freunde aus. Si tu es radical pour Jésus-Christ, c'est lui qui choisit tes amis. can have a mother that is not your friend. You can have a father that is not your friend. You can have brothers and sisters. They are your enemy and not your friend. Amen. Amen. That you are related does not mean they are your friend. Nur weil ihr verwandt seid, heißt nicht, dass es deine Freunde sind. Du kannst Mütter haben, die nicht deine Freunde sind. Du kannst Väter haben, die nicht deine Freunde sind. Du kannst Geschwister haben, die deine Feinde sozusagen sind. Tu peux pas, tu peux avoir des amis ou des la famille, une famille qui ne sont pas tes amis parce que seulement parce que vous avez une relation sanguinaire ou bien que vous avez le même sang, ça signifie pas que vous êtes tes amis. Donc c'est pour cela, c'est Jésus-Christ, il est capable de choisir. Remember, he called us his friend. Erinnert euch, Jesus nennt so uns you are my friend. Seine Freunde. If you believe me. Wenn wir glauben, was er sagt und tun, was er Jésus-Christ sagt. Jésus-Christ lui-même, il a dit que vous êtes mes amis dès que vous me croyez. Please quickly go to 2 Corinthians. We go to two places. Then we conclude. On va lire 2 Corinthians 6. Then later we go to Psalm 1. Amen. This time, 2 Corinthians 6 from verse 14. On va commencer avec 2 Corinthiens 16, verset 14. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Even truthful. Choose, allow Christ to help you to choose your friend. Oh, 6, 14, pardon. 2 Corinthians 6 from verse 14. 14. It says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? I don't know. Is this so difficult to understand? Es ist so schwer zu verstehen. If your best friend is not a child of God. Wenn dein bester Freund kein Kind Gottes ist, dann sagst du mir damit, dass dein bester Freund der Teufel ist. Et il dit, ne vous soumettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Ça signifie que si ton meilleur ami ou ta meilleure amie n'est pas de Jésus-Christ et qui ne croit pas en Jésus-Christ, tu veux me dire alors que ta meilleure amie c'est le diable. Even through your friend, you can even know who you are. Durch deine Freunde wirst du sogar wissen, wer du bist. Parce que même à travers tes amis, tu es capable de reconnaître qui tu es. Show me your friend and I will tell you who you are. Zeig mir deine Freunde und ich werde wissen, wer du bist. Il a dit, fais-moi voir tes amis et moi je veux te dire qui tu es. Wer sind deine Freunde? No, somebody told me his friend the other day. It's even one of us here, one of the children. I was also, you know, I shook my head. I said, because, you know, you know, those that refuse to submit to Christ, you call them, tu peux pas avoir une vraie unité avec quelqu'un qui ne se soumet pas en Jésus-Christ, c'est contre sa parole. He said, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light and darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with infidel? With an infidel. Amen? Amen. And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Praise the Lord. Amen. He said, you are the temple of the living God. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. You are his property. Du bist sein Besitz. Amen. Nous appartenons en Dieu, de Dieu. Nous sommes à Dieu et nous sommes un temple pour Dieu. You know, I know that some of us, we don't even know how to take care of our properties. Ich weiß, dass einige von uns, wir können nicht mal auf unsere Sachen aufgeben. Wir nutzen unsere Sachen richtig schrecklich. And because of that, we think that is how God take care of us. Wir tragen you know, it's called us the temple. A temple means that he says you are his temple. It means you are his property. Amen. So your healing and everything depends on me and not on you. Amen. Amen. Viele von uns denken, dass so wie wir mit unserem Besitz umgehen, Gott damit umgeht, dass wir unsere Brille aufs Bett legen und da kann ich mal draufsetzen oder dass wir unsere Oberteller auf den Boden schmeißen, da kann jemand drauftreten. Aber der Herr sagt, wir sind sein Besitz, das heißt, er achtet auf uns. Wir sind sein Augapfel. Niemand kann uns antasten ohne seine Erlaubnis. Pas parce que nous-mêmes on est négligent envers nos histoires qu'on possède. Pas parce qu'on est négligent, ça signifie pas que Jésus-Christ est aussi négligent avec nous. Il dit que nous sommes son temple. Il nous appelle aussi pomme d'œil, on appelle ça comme ça. Quelque chose qui est précieux pour lui. Ça signifie que même ta guérison ou bien tes biens, ça dépend de lui. plus que toi-même tu le veux, c'est lui qui veut ça. Donc tu es vraiment très précieux, c'est lui qui prend soin de toi. Et il n'est pas négligent comme nous on est envers nos histoires. His blessing for you, keep them very well. Take care of whatever he gives you. Don't use them. Don't destroy things. Das, womit er dich gesegnet hat, mit diesem Besitz, mit diesen kleinen Sachen, geh damit achtsam um. Er ist kein Zerstörer. Donc, ça signifie aussi qu'on doit aussi apprendre aussi à faire comme lui, de ne pas négliger nos histoires, que ce que lui nous a donné, il nous a béni avec des voitures, des je sais pas quoi, des chaussures. Il faut pas négliger ça, faut pas vraiment, oui, faut pas négliger ça. Et c'est parce que lui aussi, il va pas aussi nous négliger. You know how we take care of our property. Well, that is how we think he take care of us. Mm-hmm. It's not, you know. Things are going to show you. You are going to learn a lot in Christ. You know, he gave Adam the garden. He said, keep it. And the garden of Eden. He said, keep it. He don't say destroy it. Well, if he give you things, you take care of them. Und so unachtsam wir mit unserem Besitz umgehen, denken wir, dass Jesus auch unachtsam mit uns umgeht. Aber es ist nicht so. Wir verschwenden Wasser, wir verschwenden Essen, wir verschwenden Klamotten. All diese Sachen, mit denen gehen wir einfach so um, als ob sie nichtig sind. Aber es ist der Segen des Herrn, den er uns gegeben hat, den er uns geschenkt hat. Und er hat auch zu Adam gesagt, als er ihn im Garten Eden platziert hat, dass er auf die Sachen aufpassen soll. Vu que nous-mêmes, quelquefois, on est très négligents avec nos histoires, on ne peut pas même, on n'arrive pas à comprendre comment lui est en train de nous estimer, combien de valeur on a envers lui. C'est pour cela qu'on doit aussi apprendre aussi à valoriser nos histoires pour aussi essayer de comprendre comment lui nous prend en valeur. Comme il a dit par exemple à Adam, il a dit que il a créé. Éden, le jardin d'Éden, et il a dit prends soin de ça, et il lui a donné, et donc il nous bénit et on doit prendre soin de ce qu'il nous donne pour comment il nous bénit. If he give you a room, you cannot keep it. If he give you a flat, it's a punishment. Wenn er dir ein Zimmer gibt, wo du darauf nicht aufpassen kannst, es nicht sauber halten kannst, ist eine Wohnung für dich doch ein Fluch. Das ist doch kein Segen mehr dann für dich. Si lui te donne par exemple une chambre et tu sais pas, tu n'es même pas capable à prendre soin de cette chambre. Quand il va te donner une villa par exemple, ça sera comme une malédiction parce que tu ne sauras pas comment prendre soin de ça. Et ça, c'est une punition. You know, he said, you are the temple of the living God. You. Amen. Amen. You know, it's like, you know, because how we treat things, that's how we believe it. It's like love. You know how we love, how we have been taught of love. That if you love people, you love those that love you and hate those that hate you. That is how we see God. That is our religion. That is how they quote God today. You see, if you do good, he loves you. If you do bad, he hates you. He will punish you. You get it. Mm-hmm. And you know, you just learn to, whatever he gives you, they are blessings. Amen. He never give you things without blessing them. Mm-hmm. Before he gave everything to Adam in Genesis. Look, I'll go and read it again. Once he created, he blessed. Before he give you things, he bless them before giving you. Amen. And that's why you don't need to be fasting and praying and bless. No, they are already blessed. Amen. Then you just thank him that they are already blessed. Amen. Because they are coming from him. Amen. If they are coming from him, they are already blessed. It's only when they are coming from your flesh that you keep on fasting and praying, so that he will bless it, to turn Ishmael to Isaac. Und genau das gleiche geht auch für Liebe. Wir glauben, dass so wie wir unsere Mitmenschen lieben, so liebt Gott auch uns. Aber es ist falsch. Ne? Er fängt nicht an, Leute zu ignorieren, wenn sie einen nerven. Oder er fängt nicht an, Leute zu hassen, wenn sie ihn zurückhassen. Nein, seine Liebe ist bedingungslos. Und die Sachen, die er uns gibt, wir sollen darauf Acht geben, weil diese Sachen auch ein Segen ist und diese Sachen halt auch dann übernatürlich dann halt auch sind, weil sie dann von ihm sind. Und es ist dann einfach nicht nur ein Handy, sondern es ist sein Handy, deswegen ist es dann übernatürlich. Thank you for reminding me of Handy. Oder es sind dann seine Schuhe, weil du glaubst, dass diese Schuhe er dir geschenkt hat. Und es ist das only Handy, that we take off. Okay, das war noch finished. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit led us on that one. Amen. Praise the Lord. Amen. Please go and listen to the message again. You get it. Amen. And what he said, For you are the temple of the living God. Your body is okay. You want to explain it. You can explain it. What the little you can get. Because I've poured everything out. C'est aussi avec l'amour, par exemple, que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, comme il nous aime aussi inconditionnellement, c'est comme ça, nous aussi, c'est le même parallèle qu'on voit avec, avec sa manière de faire des choses. C'est pas comme ici. Donc, comme on est précieux pour lui, il prend soin de nous. The love. If you love, we think that how we love. C'est comme ça Dieu nous aime aussi. Parfois, on pense que la façon comme nous, on aime les autres, c'est comme ça Dieu nous aime aussi. On voit aussi cette... Par exemple, si on commet un péché, là, la religion dit toujours que Dieu va te punir, Dieu va faire comme ça avec toi. Mais Dieu t'aime, même si tu fais des bêtises, Dieu t'aime toujours. Pour lui, par exemple, c'est pas si toi tu l'aimes, là aussi il t'aime. Mais quand tu le détestes, il te déteste aussi. C'est pas comme ça. Mais parfois, c'est nous que nous sommes comme ça. Tu comprends ça? Donc, c'est que la manière que nous on est, à travers où on aime, où on utilise les histoires, on transforme ça à Dieu, on pense que c'est lui qui est comme ça. Ah, ok. What I mean is that where you know how you deal with things, that's how you are going to believe God deal with things. That's my you know that's what she abishin for shan was. You get it. Okay. If you believe that God love you when you do good and he hates you when you do bad, that is how you are going to love others. Le truc est que c'est la mentalité que nous on a, c'est la mentalité charnelle ou bien religieuse, parce qu'on nous a appris que quand Dieu t'aime, si toi tu aimes Dieu, lui il t'aime, quand tu fais des bêtises, il ne t'aime pas. Et c'est comme ça aussi qu'on transfère ça aussi à nos biens, à nos amours envers les autres, c'est toujours ça, mais on doit vraiment comprendre que ce sont des mensonges. C'est une mentalité religieuse et c'est pas la mentalité de Dieu. Okay. Genau. Und weil die Dinge, die er dir gegeben hat, schon gesegnet sind, musst du nicht mehr dafür beten, dass sie gesegnet werden. Okay. Ne? Ja. Et par exemple, you land. Also, das kurz. Und es gibt Leute, die haben aber Dinge vom Fleisch und müssen dann die ganze Zeit beten und fasten, damit diese Dinge dann gesegnet sind, weil sie dann Ismael zu Isaak machen möchten. Genau. Par exemple aussi, quand par exemple Dieu nous donne quelque chose, c'est déjà béni. On voit aussi Jardin d'Éden, avant de créer même l'homme, il a déjà fait les histoires, il a béni, il a déjà arrangé. Et il nous donne, quand il nous donne quelque chose, c'est déjà béni. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de prier, faire des gènes de prière et dire, ah, papa, mon enfant, bénis-lui. Oh, mon enfant, fais ça. Ou bien ma voiture, elle est cassée. Mais lui-même, il sait, il te l'a donné. Donc, ça signifie que quand tu vois un problème, tu lui dis, ah, papa, ton enfant que tu m'as donné. Ta voiture que tu m'as donnée, toi-même tu vois, je te remercie parce que tu l'as déjà béni, même si naturellement c'est le contraire. Mais toi tu crois, ta foi, vu que c'est, on sait que lui il a déjà béni, ça va, c'est comme ça qu'on doit agir avec nos histoires, même si naturellement on voit des histoires qui sont un peu le contraire, mais on doit croire que ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'il est déjà béni. On ne doit pas faire l'erreur que la religion fait de toujours faire des jeûnes, des prières, parce qu'ils veulent avoir des histoires à travers leur chair. Et nous, on veut seulement les histoires spirituelles de Dieu. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. God children live like beggars. Kinder Gottes leben wie Bettler. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de vivre comme des mendiants. Amen. Because they don't know his will. Weil sie seinen Willen nicht kennen. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. They don't know, you know, they don't know. If they are in the center of the will of Christ. Sie wissen nicht, ob sie sich mitten im Willen Gottes befinden. Ils savent pas si ils sont dans la volonté de Dieu. For them, it's all about begging. I'm begging to bless, to heal, to once you belong to him, it's no longer begging, it's thanking. Amen. Sie betteln Gott an, Dinge zu segnen und Dinge zu verändern, anstatt zu wissen, dass er schon alles gesegnet hat und die Heilung schon gegeben hat und die Versorgung schon gegeben hat und ihn einfach nur noch dafür zu danken, dass er das schon getan hat. Amen. Les enfants de Dieu sont en train de demander, de supplier Dieu pour bénir les histoires, toujours en train avec l'attitude de supplier au lieu de remercier Dieu parce qu'ils ne savent pas que quand il te donne quelque chose, il a déjà béni ça. Amen. Amen. If you look at the prodigal son, the senior brother, the father said, what belong to me belong to you. You understand me? No need to beg. No need to fast and pray. You know, fasting to get it. You are not fast 24 hours to 3 days, for 5 days. So, you know, you are living like a servant. Servant beg, but sons never beg. Amen. Sons command. Amen. Und genauso sehen wir das auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der ältere Bruder, der irritiert darüber war, dass sein kleiner Bruder so krass empfangen worden ist von seinem Vater und dass es sogar ein Fest geschmissen worden ist zu seinen Ehren, dass er wieder zurückgekommen ist. Und der größere Bruder hat das nicht verstanden, hat sich gedacht, okay, wird er jetzt auch noch belohnt dafür, dass er ungehorsam war? Und der Vater hat sich zu ihm gedreht und gesagt, ey, du hast doch schon alles, wieso beneidest du, wenn du doch alles schon hast? Weshalb bettelst du, weshalb suchst du, wenn du alles schon hast? Und genauso sind wir. Wir betteln und suchen und sind eifersüchtig, wenn wir immer noch glauben, dass wir Knechte sind und nicht Söhne sind, die nämlich befehlen und eben nicht betteln. Nous, on voit aussi par l'exemple de l'enfant perdu, par exemple, son grand frère, lui, quand il a vu que l'enfant perdu était retourné et que le père a fait une fête pour lui, il a commencé à être jaloux. Il se disait, mais moi, pourquoi moi je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu une fête, malgré que je suis toujours chez toi, et j'étais obéi. Et le père s'est retourné vers lui, il lui a dit que, écoute, ce qui m'appartient, t'appartient aussi. Et c'est comme ça que nous aussi, les enfants de Dieu, quelquefois, on oublie qui nous sommes. Que nous ne sommes pas des servants, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des petits princes en fait. Et quand tu es un enfant de Dieu, toi tu commandes et tu remercies ton père parce que tu es capable de commander. Ce n'est pas que tu commences à supplier, à faire des jeûnes de prière, tu ne le fais pas parce que tu n'es pas un servant. Und deswegen fasten die Leute dann tagelang, stundenlang, um Gott zu bewegen und Dinge zu machen, anstatt diese Zeit zu nutzen, um den Herrn zu preisen und zu danken für das, was er alles schon getan hat. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de se remercier, de danser, de se jouir dans le bonheur que Jésus-Christ est leur satisfaction, que lui nous a déjà donné tout, ils sont en train de faire des jeûnes de prière, en train de perdre leur temps à pleurer, à supplier et... Remember Ephesians 1, he said, you thank God for he had blessed you. Amen. You are already blessed. Amen. God's children are already blessed. Amen. We are not praying to be blessed. Amen. We are already healed. Amen. We are not praying to be healed. Amen. Look at here again. Okay. He said, your body is the temple. You know, he said, your body is the temple. He said, an agreement with the temple of God with idol. So if anything is coming to his temple, you have to, if you just look at it and say, what are you doing here? You don't belong to the temple of God. Amen. I hope you understand. Yeah, amen. Und in Epheser 1 steht, er hat uns schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das heißt, wir sind schon gesegnet, wir sind schon geheilt, wir sind schon finanziell versorgt worden durch ihn. Und daran sollen wir glauben und nicht dafür anbetteln, das zu bekommen. Und er sagt ja auch, wir sind sein Tempel. Und wenn wir darüber nachsinnen würden, was das bedeutet, würde das heißen, wir sind schon vollkommen, wir sind schon genug, wir sind nicht leer, wir sind erfüllt von ihm, weil wir sein Tempel sind. Et c'est aussi en Éphésiens, il est écrit qu'on doit se jouir parce que lui nous a déjà, même spirituellement, il nous a déjà bénis abondamment et en abondance. Et c'est pour cela que notre seul travail, c'est de croire en cette parole pour aussi voir aussi la manifestation. Mais nous, on n'y croit pas. Et c'est pour cela qu'on voit aussi rien, on ne comprend pas. Ici, on vient de lire à 2 Corinthiens 13, 14, qu'il a dit que nous sommes son temple. Et si on comprend qu'est-ce que ça signifie être le temple de Jésus-Christ, ça signifie que notre corps lui appartient, c'est lui qui prend soin de ça. Et ça n'a pas de sens quand un docteur vient chez moi me dire que tu es malade ou qu'il parle, il confesse la mort sur ton corps. Ça n'a pas de sens parce que ton corps est un temple de Dieu. Then in the big part of verse 6, he said, and as God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they shall be my people. In verse 6. Verse 17. Says, wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You separate yourself. You allow the truth. You know how you separate yourself from them. Preach the truth to them. The truth separates. Wie trennst du dich von dieser Gemeinschaft, die nicht von Christus ist, indem du die Wahrheit sprichst, weil die Wahrheit wird euch trennen. Amen. Wenn sie diese Wahrheit hassen, werden sie rennen. Es sei denn, sie lieben sie, sie bleiben und werden davon verändert. Irgendjemand wird sich verändern. Von der Okay. Beziehung. Also das, was trennt, was spaltet, ist nicht eine räumliche Spaltung, dass du in eine andere Stadt ziehst, weil deine weltlichen Freunde alle in Bochum sind. Nein, sondern es ist die Wahrheit, die dich spaltet. Entweder lieben sie diese Wahrheit und bleiben, oder sie hassen diese Wahrheit und werden dann von selbst dann halt diese Trennung wollen. Et ça, quand on continue à lire jusqu'à 17, ça nous fait voir que on va se séparer de ce monde. Et c'est le séparement de ce monde qu'on va subir. C'est pas se séparer parce que on les aime pas ou bien on s'écarte d'eux. C'est la vérité qui va nous séparer parce qu'ils vont commencer à voir que notre mentalité, elle est complètement différente de ce que le monde pense que c'est quelque chose qui est juste. Donc on va se séparer parce que on a la vérité. Et eux, ils sont en train, on devient des lumières. Ils sont donc continuer à vivre dans l'obscurité, par exemple. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, darkness hates light. Once you are bringing light to them, if they don't want to change to light, they run. You got it. Weil die Dunkelheit hasst das Licht. Sobald man das Licht anmacht, weicht die Dunkelheit. Und so werden sie auch weichen, wenn sie dieses Licht sehen. Parce que l'obscurité déteste la lumière. Dès que tu allumes, leur donnes la lumière, eux vont commencer à fuir. Ils veulent pas. Seulement si eux-mêmes ils acceptent d'être aussi dans la lumière, là vous pouvez continuer à être une personne. Mais sinon, eux vont commencer à s'écarter de toi. In John 17:17, before we go to Psalm 1, then we close. John 17:17 says, sanctify them through your truth. Your word is truth. Separate them through your truth. Your this truth. Once you start speaking truth to them, there's separation. Except they love it, they love the truth, they come to it. If not, they are going to celebrate birthday, they will not invite you. They will not invite you. They said that Mr. Truth. Or Madam Truth. Praise the Lord. Und die Wahrheit wird halt trennen. Wir lassen die Wahrheit für uns sprechen. Wir lassen die Wahrheit für uns entscheiden. Ne? Und das wird sich zeigen. Leute werden dich dann entweder meiden oder werden noch mehr deine Nähe suchen, weil sie interessiert an dieser Wahrheit sind und sich von dieser Wahrheit auch verändern lassen wollen. Deswegen müssen wir uns ja nicht wundern, weshalb dann auf einmal Leute uns da nicht mehr einladen, weil sie irgendwann, die Wahrheit geht ihnen natürlich auf die Nerven, wenn sie sich immer wieder dagegen weigern. Et Jean 17:17 dit que consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc ça signifie que si seulement eux ils aiment la vérité, eux vont commencer aussi à te joindre. Mais tant que tu continues à dire toujours la vérité, les gens là vont commencer, ils vont cesser de t'inviter dans leur anniversaire, vont pas vouloir que tu puisses être part d'eux parce qu'ils vont dire ah, celle-là est pas seulement de Jésus-Christ, celle-là est devenue maman Saint-Esprit, elle est devenue maman vérité. C'est pour cela. On ne veut pas d'elle, par exemple. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va faire une différence entre toi et ce monde. Praise the Lord. Yeah. You know, they call your name, Madame Holy Spirit. They have their own name too, Madame Evil Spirit. So, because if you don't belong to Holy Spirit, you won't belong to Evil Spirit. Amen. So, John 17:17 says, separate them through the truth. It's not by fighting them. It's not by telling them go. Just preach Christ to them. That is, you keep on preaching it. Then you know they will get darkness will run away. So they cannot stand in it. Praise the Lord. Then Psalm 1. Let's close with Psalm 1. Genau, die Wahrheit wird euch voneinander aussondern und du wirst es nicht mit Kampf machen, du wirst sie nicht irgendwie verscheuchen müssen oder gewalttätig werden müssen, einfach nur die Wahrheit wird diese Trennung, diese Spaltung bringen und ja. Donc on doit se rappeler, c'est pas à travers la force naturelle ou bien la chair qu'on doit se séparer de ces gens, c'est la vérité qu'on va parler, la vérité, la parole de Dieu qui va nous séparer. You know, where we just read 2 Corinthians 6 and Psalm 1, they are the same. Psalm 1 to 3. Amen. He said, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amen. You don't love what they love, you don't hate what they hate. You don't desire what they desire. You don't pursue what they pursue. What pursue them can never pursue you. Psaume 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va tenir sur le chemin des pécheurs. Ça signifie que toi, tu n'aimes pas ce que eux ils aiment. Psaume 1 à 3. Il dit, non, standard in the way of the sinner. nor seated in the seat of discomfort. Those that mock our children. They mock. You know, people mock our children. Es gibt Leute, die Kinder Gottes verspotten. And people enjoy it. Und verfluchen. Und Leute even genießen God das, the so-called God wenn sie das verspotten. They enjoy it. Und es gibt Kinder Gottes, die darüber mitlästern über andere Kinder Gottes. Il y a des gens qui sont en train de se moquer des enfants de Dieu. Ils sont en train de se moquer de ces gens-là. Et il y a aussi même des enfants, des soi-disant enfants de Dieu qui se moquent aussi. You know, if they are listening to you. They are not listening to you. They are listening to your. They are looking for your mistake. You know who are always looking for mistake. Come, you are welcome. You stay a lot here. Amen. Amen. They are always looking for mistake. That's why they were always trying to tempt Jesus. Mm. You can remember, they never come to him without evil motive. Mm. You understand? So also people today, they go to God's children to tempt them. So you know if their motive is so evil. So they are looking for excuse. They are looking for mistake that they will make that they use against them. Yeah. Is that salvation for you? Und genauso ist auch jetzt, dass man Leute, Kinder Gottes, sogenannte Kinder Gottes sieht, die dir zuhören, um dich in eine Falle zu locken. Die hören dir nicht zu, um dich zu verstehen oder was zu lernen oder mit dir Gemeinschaft zu haben, sondern sie hören dir zu, um Fehler zu finden, um dich bloßzustellen, um sich über dich lustig zu machen. Vielleicht auch nicht mal vor deinen Augen, aber vielleicht hinter deinem Rücken. Und das ist teuflisch. Das sind die Werke ihres wirklichen Vaters. Und das muss man entblößen. Darüber muss man richten und das ansprechen, wenn das so ist. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui t'écoutent, mais t'écoutent pas pour parce que tu es intéressante. Ils t'écoutent justement pour voir tes fautes, pour quand tu parce que ils veulent que dès que tu pars derrière toi, faut parler de toi pour dire à celle-là, elle pense qu'elle est devenue sainte maintenant, malgré que les années passées, on a fait ceci, cela, par exemple, tu vois. Et ça, on doit apprendre à le juger. Quand on voit des histoires comme ça, on doit juger cet esprit. On doit y en parler parce que nous sommes différents d'eux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You don't sit among them. You don't discuss among them. Amen. Amen. Those evil things that they desire to discuss. You don't, you know. He said then in verse 2, he said, but his delight is in the law of the Lord. The law of the Lord is Christ. Amen. That's Christ himself. That you delight in Christ. And in his law doth he meditate day and night. That is the truth. You meditate on the truth. You go day and night. Wir sollen Tag und Nacht über die Wahrheit nachsinnen. Then verse 3. On doit méditer, on doit vraiment méditer sur la vérité, à travers la vérité, chaque jour et nuit. And in verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of waters. Amen. Amen. You know, there are any decision, if you allow Christ to live in you, you are going to, you are sowing seed and you are going to reap. Wenn du zulässt, dass Christus in dir wohnt, there's going to be a time of harvest. Es wird eine Zeit der Ernte geben. Si tu permets Jésus-Christ de demeurer dans ton cœur, il y aura un temps où tu vas commencer à récolter aussi les fruits. You know, whoever uses your body, whoever you submit your body to as a vessel to use, there's going to be a time of harvest. Wie auch immer du deinen Körper hingibst als Gefäß, es wird eine Ernte geben. Peu importe qui tu soumets ton corps comme un vaisseau, il y aura un temps où tu vas commencer à récolter aussi. If you look at verse 3, it's talking about the harvest. Amen. Amen. Geht's die Ernte. Verse 1 and 2 says, submit to Christ. Verse 3, he said, this is the harvest. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. And whatsoever he doeth shall prosper. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then from verse 4, he said, there's a difference between you and the sinners. Und hier macht er klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen euch als Kinder Gottes und die Sünder. Donc verset 1 et 2 nous dit de venir vers Jésus-Christ. Verset 3 nous dit qu'il y aura un temps qu'on va commencer à récolter les fruits qu'on a plantés. Et verset 4 il dit que nous fait voir qu'il y en a, il y a des différences entre nous et les gens de ce monde. No, you are not sinners, please. Sind keine Sünder. Nous ne sommes pas des pécheurs. And that's why you don't, before you pray, you don't beg God to forgive you. Sieh, bevor du betest, bettelst du Gott nicht an, dir zu vergeben. Si tu es né de nouveau, avant de prier, tu vas pas sinners supplier Jésus-Christ de te pardonner encore. Weil Sünder sehen sich immer als Sünder an und nicht als rein, gereinigt durch Jesus. Parce que les pécheurs se voient toujours comme un peu comme des pêcheurs. Ils se voient toujours sales devant Jésus-Christ. Because they believe it's what they do that make them sinners. Parce qu'ils glauben, c'est ce qu'ils font. Or that make them holy. Macht sie heilig. Parce que eux, ils pensent que ce que eux ils font, c'est ce qui leur rend saints. You know, before you go from here to here, you're already making mistakes. Bevor du von hier nach da gehst, hast du schon Fehler gemacht. Parce que avant de partir de A à B, tu as déjà fait un, t'as déjà commis un péché peut-être. Amen. Christ, what Christ achieved is your victory. Was Christus erreicht hat, das ist dein Erfolg, das ist deine Heiligkeit. Ce que Jésus-Christ a commis, c'est ça ta victoire. C'est pas ce que toi tu vas faire. C'est pas ce que tu vas faire, ce n'est jamais une victoire. Seulement ce que If you are saved, Jesus never called you a sinner. Wenn du errettet bist, Jesus nennt dich nicht ein Sünder. Si tu es sauvé, tu es né de nouveau, Jésus-Christ va jamais t'appeler un pécheur. Amen. He says sinner, that is what they do, but you are not, you don't do that. They are sinners. Sünder. No, why? Because if you are called a sinner, you give death power over you. Death. Anywhere they see, death is present. Amen. Amen. Death appear anywhere they see. And you know, Jesus paid the price of your sin. So death has no power over you. You are free from it. But if you keep on seeing yourself as a sinner, you open the door for death to come in. And you are going to suffer it. Because you don't believe what Jesus believes about you. You are to believe that you are not a sinner. Believe that is because he never called you a sinner. If you depend on him, he paid the price of your sin. Two people cannot pay the same price. If he paid, no need for you to pay. You just believe on who paid for you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand. Es ist wichtig, dass wir uns nicht als Sünder sehen, weil wenn wir uns als Sünder sehen, dort wo Sünde herrscht, dort ist der Tod anwesend. Deswegen hat uns ja Jesus Christus ist ja für uns gestorben, damit die Sünde keine Macht mehr über uns hat und der Tod keine Macht mehr über uns hat. Denn er wurde zur Sünde, damit der Tod nicht mehr über uns herrscht. Und deswegen haben wir ewiges Leben durch ihn bekommen, weil der Tod uns nicht mehr greifen kann. Der Tod ist machtlos bei uns geworden, weil wir jetzt heilig geworden sind durch seine Gerechtigkeit. Donc, Jésus-Christ, nous, on n'a pas le droit de se voir comme des pécheurs, parce que dès qu'on se voit comme pécheur, on donne l'autorité à la mort. On donne l'autorité directement à la mort de nous atteindre. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort pour nous. Il n'avait pas de faute, il n'avait pas de péché. Mais il s'est rendu comme péché pour nous protéger, pour qu'on puisse aussi être surmonter la mort aussi, nous aussi. Et c'est pour cela, toutefois qu'on commence aussi à se voir comme des pécheurs, on donne aussi l'autorité aussi à la mort de nous atteindre. Donc, c'est comme si tu veux dire à Jésus-Christ qu'il a fait son travail pour rien, quand tu continues toujours à te voir comme un pécheur. Parce que c'est pas ce qu'on a fait qui nous rend saints devant Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous qui nous rend saints. Donc, c'est son acte qu'on doit voir comme valeur, qui nous valorise, qu'on n'est pas des pécheurs. Même si aujourd'hui tu mens, mais tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi et tu es né de nouveau à travers lui. Donc ça va t'aider à te rappeler que tu n'es pas un pécheur parce qu'il est mort pour moi. Il a déjà emmené mes péchés malgré lui, il n'en avait pas ses péchés, des péchés. And that's why we don't go all the time to before we pray, we beg for forgiveness of sin. Instead, we thank him for Amen. Forgiveness. Amen. Amen. Und deswegen, anstatt die ganze Zeit um Vergebung zu betteln, danken wir ihm eher für die Vergebung, die wir empfangen haben durch ihn. Weil diese Dinge, die wir tun, diese Fehler, die wir tun, erinnern uns ja immer wieder daran, dass wir seine Vergebung brauchen und seine Vergebung Gott sei Dank haben. Et c'est pour cela, chaque fois qu'on vient prier vers Dieu, on dit pas, ah, Dieu, pardonne-moi nos péchés. Non, on remercie Dieu, on dit merci parce que tu nous as déjà pardonné. Parce que tous les péchés qu'on fait, on continue à commettre étant les enfants de Dieu, ça nous aide à se rappeler, à être encore plus attachés de lui, à se rappeler que sans toi, vraiment, je suis nul. Sans toi, je ne peux pas y vivre. J'ai déjà... j'allais déjà être... Tu es déjà mille fois parce que toi tu me maintiens en vie en fait. Praise the Lord. Amen. Amen. Before you became saved, you have already been forgiven. Amen. The sins of unbelievers, all these people that don't believe Jesus Christ, their sins have been forgiven. He forgave them. Yes, 1,000 years ago. But you know, this hand of faith, you must believe it before it becomes yours. He paid the price. But you believe, then become your. The everything. God is Jesus is not coming to pay any price again. He has paid the price. Mm. So it's like I've cooked the food. You go to the kitchen and eat. You know, as we always do it here. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, donc, you still want to explain? Okay. Yeah, je m'en passe un chef. Donc on doit toujours commencer. Dieu, il nous a déjà pardonné, même avant qu'on puisse être né de nouveau. Il nous a déjà pardonné. Mais la seule chose qu'on doit faire, c'est de croire qu'il nous a pardonné. C'est ça notre action. C'est la même chose que ici, par exemple, quand si maman, quand maman prépare pour nous. Elle a déjà préparé, elle a mis dans la cuisine. Mais pour manger, pour qu'on puisse être plein, c'est nous qu'on doit partir à la cuisine, mettre dans l'assiette et manger. Donc, il nous a déjà pardonné. Si on ne mange pas, tu vas rester faim. Tu auras toujours faim. Et c'est la même chose avec ce monde, même tous les gens qui ne croient pas en Dieu ici. Eux, ils ont aussi déjà été pardonnés. Mais s'ils ne croient pas, ça va rien les emmener. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. I hope you understand the message.